allant pour venir parler de France. Bonne émission, merci, Nagui. Merci, Ali. Il est 11h sur France Inter. Le Flash, Lionel Thompson. Un homme de 36 ans abattu tôt ce matin à Alata, en Corse du Sud. Selon des informations données par le procureur d'Ajaccio, la victime aurait essuyé 4 ou 5 coups de feu alors qu'il venait de quitter le domicile de sa compagne et s'apprêtait à monter sur sa moto. Les secours l'ont pris en charge dans un état grave, mais il est mort dans la matinée à l'hôpital. Une voiture en feu, peut-être utilisée par le ou les tireurs, a été retrouvée un peu plus loin sur la route de Cargèse. Une enquête a été ouverte. Suite aujourd'hui du procès pour fraude fiscale de Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre du Budget qui a évoqué à l'ouverture du procès lundi un financement politique en faveur de Michel Rocard, doit s'expliquer aujourd'hui plus en détail sur le cheminement de son argent caché à l'étranger, de la Suisse à Singapour. Le procès doit se dérouler jusqu'au 15 septembre. À l'occasion de la visite de François Hollande au Vietnam, la France demande la libération de 4 militants des droits de l'homme emprisonnés par les autorités de ce pays. Une demande formulée en privé par le secrétaire d'État français au développement et à la francophonie, André Valigny. En public, François Hollande, lui, n'a fait qu'une courte allusion aux droits de l'homme lors de sa visite, se disant très attentif à l'état de droit. Le Hajj, le grand pèlerinage à la Mecque, qui débutera dimanche prochain, occasionne de vives tensions entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Ce matin, le président iranien Hassan Rouhani a appelé les pays musulmans à s'unir pour punir l'Arabie saoudite pour ses crimes. Le président iranien dénonce le soutien du royaume saoudien au terrorisme et l'accuse de verser le sang des musulmans en Irak, en Syrie et au Yémen. Le grand moufti d'Arabie saoudite, Cheikh Abdulaziz Al-Sher, la plus haute autorité religieuse du royaume, rétorque que les dirigeants iraniens ne sont pas musulmans. Propos relayés ce matin par le site Arab News. Précision, cette année, les Iraniens sont privés de pèlerinage en raison des tensions entre les deux pays. Au Gabon, Ali Bongo en appelle au respect de la loi. Il n'y aura pas de nouveau décompte des suffrages si la Cour constitutionnelle n'est pas saisie, estime-t-il ce matin. La réélection du président sortant gabonais contestée par l'opposition a provoqué des violences dans le pays depuis une semaine. L'Union européenne met en doute la validité du scrutin, notamment dans la région d'origine d'Ali Bongo, le Haut-Ogoué, où la participation aurait frôlé les 100%. Le Premier ministre français Manuel Valls a estimé hier qu'il serait sage de recompter les voix. Au Venezuela, l'opposition appelle à une nouvelle journée de manifestation contre le président Nicolas Maduro aujourd'hui. La semaine dernière, une précédente journée de protestation a réuni 30 000 manifestants dans les rues de Caracas, selon le gouvernement, plus d'un million selon les organisateurs. L'opposition réclame un référendum de révocation du président. Gaël Monfils affrontera Novak Djokovic en demi-finale de l'US Open de tennis après-demain. Le numéro 1 mondial serbe s'est qualifié cette nuit après l'abandon sur blessure de Joe Wilfried Tsonga. Hier soir, l'équipe de France de football a manqué, elle, ses débuts dans les matchs éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018 en ne faisant que match nul 0-0 contre le Bélarus. Et puis ce soir, à Rio, au Brésil, ce sera l'ouverture des Jeux paralympiques jusqu'au 18 septembre. Plus de 4000 sportifs handicapés venant de 161 nations se disputeront les 528 médailles en jeu. Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter. Vendredi à partir de 21h, autour de Léo. En partenariat avec l'Obs, une soirée spéciale autour de Léo Ferré. 3 heures de concert en direct et en public du studio 104 de la Maison de la Radio pour fêter les 100 ans de Léo Ferré. Avec Catherine Ringer, Arnaud, Camélia Jordana, Cali, Messia, Bernard Lavillier, Cyril Mokayesh, le groupe Eiffel et l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Bruno Fontaine. Thank you. Satan. Pour faire partie du public, réservez gratuitement vos places sur maisondelaradio.fr. 11h04, on retrouve la bande originale. Bonjour Nagui, avec François Ozon pour le film France. Et Pierre Ninet, absolument, ils sont là, vous savez tout, Lionel Thompson, c'est ça la force de l'information d'Inter. Les mecs, ils sont au courant, mais de tout. Taquet. Branché. Tout, ouais. Il fera quel temps samedi dimanche? J'ai pas mon appli sous le nez. On en reparlera plus tard, c'est ça. À tout à l'heure pour nous informer à midi. Merci Lionel Thompson. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Gadon-Boudali. Bonjour à tous. Dom Villa. Bonjour. Pierre-Emmanuel Barré. Oui, bonjour. Ah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur. Daniel Morin. Bonjour. Et Richard Lambert. Bravo. Bravo. Bravo Richard. François Ozon et notre invité terminé. Un lancement incroyable. Gros invité, il y a deux jingles. Et ouais, bim. Ça vaut le coup. Attends. T'as entendu deux jingles, toi? Deuxième invité. Ouais. Ah, c'est moi qui j'ai fait une micro-sieste. J'ai fait une micro-sieste. C'est pas grave. François Ozon est déjà là. Merci François d'être ponctuel, ce qui n'est pas le cas de Pierre Ninet. Il va arriver. Il va arriver. Ouais, ouais, je sais. J'ai 25 textos avec. Il est là. Il arrive. Il est dans l'ascenseur. L'ascenseur est en panne. Il redescend. Il prend l'escalier. Oui, mais on est au 6e. Oui, il va arriver. Il va arriver. Il est reparti. Ça fait. C'est la première fois que vous tournez avec Pierre Ninet. Ouais, absolument. C'est la première fois. Il était super à l'heure pendant le film. Non, non. Il était très précis comme un Allemand. Pendant off. Pas de sectarisme, pas de cliché comme ça. Moi, les Allemands, ils sont toujours à l'heure. Mais, très ponctuels. Les Français d'ailleurs sont moins ponctuels. Là, il est en train de devenir plus français. Vous aimez beaucoup aussi les musiques allemandes? Oui, c'est absolument. Vrai moi, mon appui, elle marche pas, par contre. Mais c'est pas grave. Vous l'avez rencontré comment, Pierre Ninet, avant de tourner avec lui? Pierre Ninet, en fait, je l'avais croisé il y a un moment, au moment où il tournait. Excusez-moi, voilà, non, en fait, c'était pas ouvert, c'est ça. Mais je vais l'arrêter alors. Voilà. Tanze samba, 3, mit 4. C'est pas mal, hein. Ouais. J'adorais ça. C'était Bernard Journeau qui dansait là-dessus. Absolument. Tony Hallyday, qui est une sorte de Johnny Hallyday allemand. C'est vrai. Il a chanté ça dans les années 60. C'était en 39, ouais. C'est les années 70. Très beau morceau. Quand j'entends ça, moi, je sors mes papiers tout de suite. Par Raphaël Acara, Puisque tu l'aimes, dis-le lui. Ah voilà. Tu as raison. Mais oui. Tom Villa m'a dit ça. Je dis, mais t'es vieux. Ouais. Mais Raphaël Acara l'a chanté en italien, en français, en espagnol à l'époque. On chantait dans toutes les langues. Il paraît qu'il y a même une version reprise de Bob Sinclar. Bien sûr. Voilà. Oui, absolument, c'est vrai. Voilà, donc ouais. On peut réécouter un petit peu. Si vous n'aimez pas la musique, Nagui, c'est pas grave. Nagui, s'il vous plaît. Je ne connais pas 3, tout. 4. Tanze samba mit mir. Samba samba die ganze Nacht. Tanze samba mit mir. Il y a Ludivine Sagnier aussi qui dansait. Il y avait Ludivine Sagnier, Anna Thompson et Malik Zidi et Bernard Giraudot. J'adorais ça. Bon, alors, d'où vient cet amour pour l'Allemagne? Parce que y a En fait, c'est le premier pays que j'ai visité enfant. Voilà, mes parents étaient amis avec une famille allemande, donc comme un peu le personnage du film, je On me a suis... tous une sale histoire. Hein. Voilà. Non, moi, c'est une belle histoire. Je peux pas tout raconter. Bah si. Vous en avez non, j'avais fait un truc pervers en fait. Surtout. Surtout François. Je peux le dire maintenant. Vas-y François. C'est vrai, quand j'avais, je sais pas, je devais avoir 11-12 ans, j'étais parti dans cette famille allemande que j'aimais beaucoup, qui s'appelait la famille Dame, et j'avais pris comme livre à lire le journal d'Anne Frank. Donc c'était quand même un peu spécial. Oui, mais enfin. Non, c'est... parce que les parents allemands, parce que mes camarades, enfin mon correspondant allemand m'a dit, c'est quoi ce livre? Et je lui ai raconté ce que c'était. Ouais. Et ils n'étaient pas du tout au courant, en fait. Que le livre existait. Oui, que non, le livre. Pour, connaissent... Non, non, pour l'ensemble, entre 39 et 45. Oui. Je me suis rendu compte. Non, mais attendez, c'était dans les années 70. Dans les années 70, en Allemagne, il y avait encore une chape de plomb. Et en fait, c'était une famille où les enfants n'étaient pas encore au courant parce que c'était le début du collège. Et moi, voilà, j'ai mis un peu les pieds dans le plat de manière un peu. Voilà. Donc il y a eu un froid. J'ai foutu la merde un peu dans la famille, je pense. Il n'était plus au courant. Gertrude Helmut Goebbels, c'était le nom de la famille, il n'était pas au courant. Non, dame. Ils ont fait une micro-sieste aussi. Dame. Mais comme dans le passé, dans l'histoire de France, on n'a pas tout appris à l'école pendant un certain temps. Qu'est-ce qu'on n'a pas appris? Toujours. Je ne sais pas, la guerre d'Algérie, je ne suis pas sûr qu'elle ait été très présente. Oui, absolument. Pas une guerre, vraiment. Parlez de réac. Vous êtes trompé de radio, les garçons. On est en train de corriger. On parlait d'événements, d'ailleurs, à l'époque. Ce qui veut bien dire qu'il y avait un problème. Donc cette rencontre avec Pierre Ninet s'est faite. Est-ce que vous vous souvenez du premier film que vous avez vu, Pierre? C'est un film qui s'appelait J'aime regarder les filles, ouais. Où il avait une tête ahurie que je trouvais très touchante, fraîche. Et j'ai tout de suite aimé son rythme, sa manière de jouer. Enfin voilà, je le connaissais surtout dans la comédie. Je l'avais vu aussi dans Saint-Laurent. Et je trouvais qu'il avait une fragilité, une sensibilité qui était parfait pour le rôle d'Adrien. Comme il n'est pas encore là, on va en profiter. Oui. Quel est le seul défaut que vous pourriez lui trouver? Ou d'autres, hein, plus si non, non, non, non, mais un seul déjà. Un seul. Défaut de Pierre. À part la ponctualité. Et me sortez pas un défaut du genre, il cherche la perfection. Il a un truc sale. Ouais, un vrai défaut. Non, une qualité, c'est facile. Un défaut. Non, mais nous, on lui trouve beaucoup de qualités, donc c'est pour peut-être ça que je voulais savoir. Un truc, il enterre des femmes dans un bois. Vraiment, oui, ça, oui, mais comme tout le monde. Évitons les banalités. Oui, c'est pas un défaut. son seul défaut, bah, c'est d'être séduisant. Enfin, il séduit énormément. Enfin, est-ce que c'est un défaut? Je sais pas. Il séduit les jeunes filles et les mères. En fait, je me suis rendu compte quand on a fait la tournée en province. En même temps Les mères et les filles viennent. Il fait des packages? Oui, il fait des packages. Il fait des packages. Il fait du free sex. Oh non, oh non. Son défaut, c'est de rendre les mecs jaloux, je pense. Voilà, ah d'accord, mais les femmes enceintes. Quelques-unes. Moi je connais quelqu'un, il met les hommes enceintes et les femmes jalouses. Le film, le film pas de ton s'appelle père, donc France, il est en salle depuis aujourd'hui. C'est votre premier film historique, vraiment, qui s'appuie sur un fait historique. Et d'ailleurs un contexte historique, et d'ailleurs on va parler tout à l'heure avec notre invité Jean-Pierre Guénaud du Soldat Inconnu et de toute la souffrance finalement de ces familles qui ont perdu un être cher à la guerre, quel que soit le camp d'ailleurs dans lequel on se situe, sans pouvoir d'ailleurs avoir le corps de l'être aimé. Mmh. Ce sont des tombes vides qui sont fleuries, ouais. ou des pierres tombales, simplement, voilà. Ouais. Mais on a découvert d'ailleurs au fur et à mesure que les victimes étaient de plus en plus nombreuses pendant cette Première Guerre mondiale. On annonçait au début 900 000 morts et finalement on arrive à 1,5 million. En France c'est 2, je crois. Selon la police, Autriche. Après selon les manifestants. Ah oui, les soldats, oui, il y a aussi les civils qui sont oui, morts. Absolument. Avec oui, absolument. Les civils, je crois que ça fait 2 millions. Au total, il y a eu 10 millions de morts pendant ces 51 mois de guerre et de massacre. On va en parler, ce film en tout cas est absolument sublime, il est excellent. La manière dont vous avez réalisé, dont vous avez joué avec la couleur et le noir et blanc en fonction de... C'est un manque de moyens, de le noir l'humeur. Et blanc. Non, ça coûte cher aujourd'hui, le noir et blanc, en fait. Bah, oui. C'est en fonction de l'humeur ou de... Ça coûte cher parce qu'il n'y a plus de pellicule noir et blanc. C'est quoi? C'est l'humeur ou le bonheur qui... C'est la vie, c'est la vie. C'est une période de deuil, c'est une période de souffrance. Les gens ont du mal à reprendre le cours des choses après tous ces morts. Et ouais, du coup, la couleur que vient... La couleur arrive avec le bonheur des personnages. Oui, oui, oui. Quand mais ils sont le, heureux, la vie, couleur. C'est souvent le bonheur. Mais il n'y a pas que des moments de bonheur qui sont en couleur dans le film. Il y a des moments aussi dramatiques, mais c'est des moments où tout d'un coup, voilà, on est dans quelque chose d'intense et de l'ordre et d'émouvant. Ouais. Tom Villa, vous avez bien compris pourquoi Pierre Niney et François Ozon étaient nos invités. Bien sûr que j'ai compris, Nagui, parce qu'après Latsou et Berléand, il fallait remonter le quota des artistes sérieux qui font France Inter. Merci. François Ozon, on va pas se mentir, c'est la dernière ligne droite de la promo. Le film sort aujourd'hui, vous avez fait quasiment toutes les émissions de télé, toutes les radios, la presse écrite, on n'en parle même pas. Bref, vous êtes au bout du rouleau. Oui. Preuve en est, Pierre Niney qui a donné une interview juste avant l'avant-première à Toulouse, au site internet côtétoulouse.fr, et Pierre a dit, t'as je cite, lectures. Bah oui, on a fait la recherche sur internet, Pierre a dit, je cite, en venant à Toulouse, j'écoutais Claude Nougaro. Voilà. Bravo les clichés. Non, ça fait plaisir aux gars de la région, un peu classique. Quand il va en Bretagne, il écoute Nolwenn Leroy, et quand il va à Clermont-Ferrand, bah du coup, il va pas à Clermont-Ferrand. Lundi soir dans le Grand Journal, dérapage bon en direct. Bonjour, Grand Journal. Ils ont changé de nom aussi. Oui, oui, on dit comme ça maintenant, on s'emmerde plus. Non, Grand Journal, dérapage en direct de François Ozon. Ah, vous avez dit de Pierre qu'il avait un physique d'après-guerre et une tête d'époque. Oui, intemporel. On dirait un clash, mais à Sciences Po. Ça donne envie de travailler avec vous, François. Ouais. Si vous dites ça de Pierre, qu'est-ce que vous dites de Catherine Deneuve? Non, Nagui. Elle est très époque aussi, Catherine. Elle peut jouer à plusieurs époques. Ah, ouais. On lui fera passer le message. Nagui, au moins, il tourne moins autour du pot. Tout le monde a une gueule le cul, et puis on n'en parle plus. D'ailleurs, je glisse... Hors antenne. Oui, évidemment, bien entendu. Alors, je glisse au passage. Bon, Pierre n'est pas encore arrivé, mais je lui dirai en face. Je suis assez ravi qu'il ait quitté la Comédie Française. Ah parce bon que non, c'est vrai de devoir dire à chaque fois Pierre Niney de la Comédie Française. Ah oui, moi aussi. Moi, je suis content de ne pas l'avoir à le mettre sur mon générique. Ah. Je trouve ça un peu incroyable d'être obligé de mettre ça. C'est une obligation. C'est contractuel, c'est une obligation. Ah ouais. Voilà, et pardon, qu'est-ce que ça change pour vous au générique? Bah, j'ai rien à voir avec la Comédie Française. Je respecte la Comédie Française, mais qu'est-ce que la Comédie Française a à faire dans un film? Enfin, je comprends pas. Elle cautionne un comédien qui... Il y a une forme d'appartenance à une maison. Ça, oui, mais... voilà, c'est très... Oui, mais alors, par exemple, c'est vrai qu'il y a des techniciens qui demandent qu'on mette leur syndicat à côté de leur nom, mais moi, la plupart du temps, je le mets pas. On dit pas Nagui de France Inter avant d'oublier pas les paroles. Exactement, ou Pierre-Emmanuel Barré de l'hôpital Sainte-Anne, ou Leïla Kadou Aboudadi de Radio France, ou Daniel Morin du PMU en bas de Radio France. Voilà, on dit pas tout ça. Donc vous venez et nous voir. De quoi, et bah d'où vous voulez, voilà, d'où il peut. Vous venez nous voir en tout cas pour votre dernier film. Tiens, si tu as le courage, répète un peu à Pierre Niney ce que tu voulais dire. Voici Pierre Niney, messieurs dames. Bonjour. Ça va Pierre, t'as trouvé une place facilement? Ouais. Excusez-moi du retard. Je suis très heureux d'être avec tout vous. Tout va bien, merci d'être là. Bon, je fais le petit résumé du film. On est en Allemagne à la fin de la première guerre. Ça fout ta gueule parce que tu as écouté Nougaro en allant à Toulouse. C'est vrai. Vous avez dit dans une interview. Et alors c'était trop redondant. Mais tu écoutes Nol. Je peux pas dire. Vous avez vu Nagui comme il est troublé dès qu'on parle de l'Allemagne, il fait le collabo, il balance. Absolument. Bon, le résumé du film, oui. On est en Allemagne à la fin de la Première Guerre mondiale. Anna va se recueillir sur la tombe de Franz, son compagnon mort sur le front. Enfin, mort sur le front de guerre, parce que si on mourir sur le front, c'est débile. Hein, c'est... Avec mort à l'oreille et mort au petit doigt. C'est... Donc Anna va se recueillir comme tous les jours sur la tombe de son défunt compagnon, lorsqu'elle y retrouve Adrien, joué par Pierre Ninet, soldat français, qui vient lui aussi se recueillir sur la tombe de Franz. Le film est en noir et blanc, moitié en allemand, moitié en français. Du coup, Pierre, pour le film, vous avez appris l'allemand et le violon. Ça faisait quand même deux bonnes raisons de refuser le rôle. Non, mais c'est vrai, le problème du violon, c'est qu'au début, c'est dégueulasse, ça fait mal aux oreilles, ça fait même un peu peur. Et l'allemand, bah, c'est pareil. C'est faux. Bravo pour la vie. Le violon est l'instrument le plus dur à jouer au monde. Et l'allemand est une langue très mélodieuse, quand on sait bien le parler. Il n'a pas fini de dire n'importe quoi. Eh ben ouais. En tout cas, je me permets, bravo pour l'implication, Pierre, parce que déjà dans Saint-Laurent, vous aviez appris à dessiner pour Franz, on l'a dit, le violon, l'allemand, et même la valse, toujours pratique, la valse quand on veut. Pas grand chose d'ailleurs, mais enfin bon, vu comment vous investissez, Pierre, heureusement que vous n'avez pas joué dans Nocturama de Bertrand Bonello. Bah, le film parle quand même de jeunes qui font un attentat, hein, le stage terroriste en Syrie, il y a peu de chances d'en revenir avec tous ses membres. Hein. Puis il va récupérer un César sans les bras. Bref, c'est une galère. En résumé, c'est vraiment un très beau film sur l'amitié franco-allemande, sur le pardon, la réconciliation entre les peuples. Mais en attendant, les Allemands, on les a quand même bien niqués à l'euro. Bonne journée. Merci, Tom Bella. La bande originale. Lundi sur France Inter. Ce film est aussi une formidable et très belle histoire d'amour. Pierre Ninet jouant le rôle principal masculin. Il faut parler de cette sublime, de cette belle actrice que vous avez trouvée comment, François Ozon? Paula Baer. J'ai fait un long casting en Allemagne. J'ai rencontré plein de jeunes actrices. Je ne les connaissais pas. Et on m'a présenté des jeunes filles qui parlaient un petit peu français. Et j'avais demandé à la casting directrice allemande, quand elle me demandait quel genre de fille tu cherches, je lui disais, l'idéal serait une jeune Romy Schneider. Et voilà. Et quand j'ai vu Paula, j'ai eu un coup de foudre. Je l'ai beaucoup aimée, mais en même temps, j'étais un petit peu déçu parce que dans le cliché que je me faisais d'une jeune allemande, je voyais une jeune fille blonde. Et comme je savais que Pierre était déjà casté, il était brun, je m'étais dit, il faudrait bien une brune et une blonde. Donc je l'ai teint en blonde et en fait ça lui allait pas du tout, donc en fait on l'a reteint après en brune. Vous l'avez déteinte? On l'a déteinte et finalement après, elle est au naturel. Le tournage après elle a été tendu, enfin bon bref, en classique. La vie, quoi. Non mais en tout cas quand je parle d'histoire d'amour, j'ai presque envie de dire une histoire d'amour aussi entre vous et elle. Je sais pas comment l'exprimer autrement que de dire j'avais l'impression de voir une caméra et un réalisateur qui est tombé amoureux de la comédienne. Il y a des plans, vous la filmez avec beaucoup d'amour. J'essaye toujours de filmer mes acteurs avec beaucoup d'amour. Moi, j'ai besoin de désir. Non, mais j'ai vu tous vos films, mais oui. Plus que d'habitude. J'ai vraiment l'impression que vous l'aimez particulièrement. Oh, dans Jeune et Jolie, par exemple. Oui, Marine aussi, je l'aime. Marine Vacht, elle était filmée avec amour aussi. Et même quand j'ai travaillé avec Charlotte Rampling, j'avais l'impression de. Enfin bon, moi, j'ai besoin de désirer mes acteurs. Ça ne veut pas dire que c'est sexuel, mais j'ai besoin d'avoir envie de les regarder, de m'approcher de leur visage. C'est une bonne nouvelle. Sauf avec Pierre. Avec Pierre, c'était que sexuel. Oui, avec vous, c'était presque que ça. On travaillait très peu, finalement. Il y a eu une lecture au début, plus ou moins. C'est pour ça qu'on voit beaucoup, beaucoup pleurer dans le film, justement. Oui. Mais ça aide après, en fait. Le trauma aide énormément à travailler. C'est génial, sur des bases assez saines comme ça. Ouais, c'est une nouvelle méthode de travail. C'est donc l'histoire de ce soldat. Alors, on va pas... il faut s'arrêter un moment, parce qu'on peut pas tout dire. Mais en effet, le film commence, comme Tom l'a indiqué, dans un cimetière où à la fois une jeune Allemande se recueille sur une tombe, puis ce jeune Français également. Il y a une espèce de suspicion, une montée de suspense en se disant mais qu'a-t-il à ce... C'est-à-dire qu'un Français vienne en Allemagne juste après la guerre dans le pays des vaincus, c'est quelque chose qui est mal accepté forcément, parce que les Allemands se sentent extrêmement humiliés. Il y a le traité de Versailles qui va arriver en 1919 aussi, donc on est dans une Allemagne pas du tout accueillante. Donc c'est assez surprenant de voir un Français venir jusque-là. Oui, qui est cet homme qui vient pleurer sur cette tombe. Donc c'est une réponse qu'on ne m'a pas donné. Le soldat lui devait de l'argent, tout simplement. Voilà, peut-être, voilà. peut-être qu'il y a une histoire d'amour, peut-être qu'il y a une complicité, une amitié. C'est plein de rebondissements et c'est ce qui fait aussi la beauté de ce film-là, parce qu'on parle d'un film historique pour le contexte, mais en réalité c'est un film qui mélange beaucoup de genres et c'est la richesse du film. Et surtout on y voit, pour revenir à cette dimension historique, le terreau de ce qui va déclencher la Seconde Guerre mondiale. On voit ça en germe, on voit que les choses ne sont pas réglées et que potentiellement, hélas, ça va recommencer. Oui, c'était intéressant pour moi de faire un film sur 14-18 du point de vue des Allemands, du côté de ceux qui ont perdu la guerre, et de montrer, voilà, parce qu'on a vu beaucoup de films français sur cette période, donner le versant allemand. Qu'est-ce qui a été le plus dur, Pierre ? On a parlé d'apprendre l'allemand, de jouer du violon, et on a parlé de l'excellence de votre jeu. On vous a cherché des défauts pendant que vous n'étiez pas là. François Ozon a été vraiment ridicule. Il n'a trouvé aucun défaut à vous reprocher, même en votre absence. C'est une tristesse, d'ailleurs, ce début d'émission. Donc, on vous aime, on vous admire, et vous êtes un sublime comédien. Merci. Qu'est-ce qui a été dur pour vous sur ce tournage ? Non, mais effectivement, ces deux défis-là qui faisaient l'authenticité du film en même temps, à savoir le violon, l'allemand, c'était deux vrais challenges. Je me suis bien tapé la tête contre les murs il y a certains jours où j'étais même un peu... Je partais un peu dans des colères et tout, parce que le violon, c'est très... Enfin, tout seul, hein. Mais pardon, tout seul dans ma chambre, mais le violon, c'est très, très dur. C'est super. C'est l'instrument le plus dur, encore. Et à filmer, on peut pas tricher. Est-ce que vous avez besoin... Voilà ce que j'allais dire. Parce qu'un pianiste, on peut séparer les mains du visage, alors que le violon il est près de la tête. Ouais. Et les mains, voilà. On peut pas faire semblant. Et puis c'est celle-là. Ça se voit. Quand tu peux, mais ça veut dire que faire des très gros plans sur les mains, très séparés, pour avoir la main d'une doublure, mais je crois que c'est pas la grammaire de François. C'est parce qu'il voulait... J'ai bien senti que c'est parce qu'il voulait filmer. Donc j'ai vite compris qu'en fait, j'étais obligé d'apprendre. Il y avait trois morceaux quand même, et de synchroniser cet archer avec ses arpèges, avec ce vibrato. Donc la fluidité du mouvement de l'archer, ainsi exactement. Ouais. On a eu un drame sur le tournage par rapport au violon. Pierre, je te laisse raconter, parce que c'est c'est un très mauvais souvenir. Que vous l'avez cassé. Non, à la rigueur, ça, on aurait pu le remplacer ou quoi, mais c'est un Stradivarius. Il y a une scène où vous tombez dans les pommes avec le violon, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as plus peur pour le violon que pour Pierre Niney. Ah bah oui. Oui. Ah d'accord, c'est sympa. Parce que, pardon, dans le film, le violon est un symbole extrêmement fort, on ne l'a pas révélé, donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais l'art, en général, dans le film, est un symbole très très important. Non, le drame qui nous est arrivé, c'est qu'en fait, on a tourné cette première scène où Adrien joue du Chopin au violon. C'est quelque chose que j'avais beaucoup répété. Il y avait la coach sur le plateau. On a fait une vingtaine de prises et les cinq dernières, la coach a dit là c'est parfait, vraiment, là c'est nickel, vous avez cinq prises magnifiques, voilà. Et on a envoyé les pellicules au laboratoire et ils ont tout brûlé. Non. Sauf les trois premières prises qui étaient moyennes. Mais vous tourniez pas en numérique ? Non, on tournait en pellicule. En pellicule noir et blanc. Voilà, c'était une bonne idée. Pardon, mais comment vous faites alors pour les scènes en couleur ? C'est-à-dire que vous avez colorisé les pellicules noir et blanc ? En fait, la pellicule noir et blanc. Je crois que c'était en numérique et que vous avez joué avec un effet. On a étalonné. Pas sur Instagram, Nagui, quand même. Non, mais on a étalonné en numérique. En numérique, tu peux virer la couleur, la rajouter. En fait, on a tourné en pellicule 35 couleurs. Qu'on passait en numérique en noir et blanc, et certaines séquences sont en couleur. Mais le chef-op savait ce qui allait être en noir et blanc et d'accord, en couleur. Donc d'accord. Il éclairait de manière très différente. Oui, mais quand il y a une scène qui est en noir et blanc dans le tunnel, enfin sous la grotte, et vous ressortez en couleur, c'est du 35. C'est la même scène. Oui, bien sûr, c'est le même plan. D'accord. Mais en numérique, c'est en post-production, d'accord, pas au moment du tournage. C'est sublime d'ailleurs, cet effet de l'ombre à la lumière, là, il est absolument bouleversant. On se dit, Mais il y a un travail du directeur de la photo qui est incroyable. Oui, Pascal Marty. Tu respectes pas. Un chef opérateur. Tu respectes corse. Pas assez les. Ah, c'est un corse. Aucune vanne. Stop. Zéro vanne. Cette histoire est extrêmement belle. Encore une fois, histoire d'amour entre Adrien et Anna, entre Pierre Niney et Paul Haber, qui est vraiment de tous les plans. Elle est omniprésente, plus présente d'ailleurs que Pierre Niney. L'histoire est racontée de son point de vue. C'est ça. Et c'est vrai qu'à un moment, Pierre disparaît, mais. Il y a justement, chercher. Oui, il y a deux points de vue. Oui, il y a deux, il y a deux regards. Il y a le point de vue allemand et puis après, et l'inverse se passe dans la deuxième partie du film. Encore une fois, je m'étouffe. On dira rien, on dévoilera rien. Il est motif, ce Nagui. Il pleure pas, Nagui. Non, mais j'ai plus qu'été ému avec ce film. C'est extrêmement touchant de voir d'abord, une belle histoire d'amour, extrêmement bien interprétée par vos deux rôles principaux. Tous les seconds rôles également sont très touchants. Mais aussi de voir le contexte historique dans lequel ça se passait, avec cette facilité avec laquelle on peut dénigrer celui que l'on ne connaît pas, avec cette montée du... d'une forme de racisme ou d'exclusion, de nationalisme et toutes ces mauvaises odeurs qui puent et qui reviennent aujourd'hui et qui ça revient tristement d'actualité. Et on se dit mais c'était il y a pas si longtemps. Ça c'est un peu la surprise du film, c'est à quel point on a vu. En parlant du film à l'étranger quand on allait à Venise, à quel point les journalistes étrangers nous ont parlé de la situation actuelle de l'Europe et avaient l'impression de voir un état des lieux aussi par rapport à la France aujourd'hui, ce qui se passe avec la montée des nationalistes, le retour aux frontières que demandent certaines politiques, la peur de l'étranger. Alors aujourd'hui, notre ennemi, c'est plus les Allemands, mais voilà, ça se... Non mais à chaque saison, on trouvera un ennemi. Ça a été les Italiens à un moment, les Espagnols, les Arabes, les Musulmans, et puis ça va continuer, on fera le tour de la planète comme ça. Et puis un jour, on aimera le vivre ensemble. Il y a un très beau parallèle dans le film. Avec l'art, avec la peinture, avec la musique. Et ça aussi, c'est tout d'un coup, c'est une immersion dans un autre univers qu'on ne soupçonne pas, compte tenu du contexte. Et il y a de très, très belles scènes, de très belles références picturales. Donc là, on sent aussi qu'il y a une matière en plus. Ce qui peut réunir ces deux peuples, ce qui peut réunir aussi ces deux personnages, Adrien et Franz, c'est la culture, c'est la connaissance de l'autre, la langue. Et c'est pour ça qu'effectivement, l'art est très présent à travers la musique, la peinture et la littérature. Et puis il y a aussi le pardon, c'est-à-dire que ce sont deux peuples qui se sont entretués et accepter l'autre en temps de paix juste après la guerre, il y a un travail de résilience, de pardon qui est fait et qui est très présent. En tout cas, vous en sortirez grandi de ce film parce que d'abord, on apprend des choses de notre histoire, encore une fois, pas si lointaine. Il ne faut pas oublier les poilus, on en parlera dans quelques instants. Alors, les poilus, belle moustache, hein, Pierre Ninet dans le film. Hein. Merci beaucoup. Oh là là, travailler un peu ficelle de boucher. Non. Ouais, je sais pas comment le prendre là. Très bien. Ficelle de boucher. Vous portez très bien. Venant de Saint-Laurent, la moustache, la ficelle de boucher. Venant de Daniel Morin, il faut tout mal prendre. D'accord, on va partir sur ce postulat. Ne l'écoutez pas. Leïla Kadrboudadi, lorsqu'on vous a annoncé la venue de Pierre Ninet et François Ozon, vos oreilles ont sifflé. Mais de bonheur. Oui, de bonheur. Et immédiatement, j'ai entendu la voix de l'une des 8 femmes que vous avez mise en scène dans le film du même nom. Et quelle femme ? La fille libérée, confondant le jour et la nuit, pratiquant l'amour buissonnier. Fanny Ardant, mon idéal féminin, que nous recevons lundi prochain. Ouais. Qui en reprend une chanson de Nicoletta. Ben, j'allais le dire, mais voilà. Ah, pardon. Mais non, mais c'est bien, non. En pleine séance des feuillages soft dans cette séquence. Réunir à l'écran ainsi toutes ces icônes, donc Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Emmanuel Béart, Daniel Darieux, Virginie Ledoyen, Firmin Richard, Ludivine Sagnier. Et à chaque fois les filmer, on l'a dit tout à l'heure, filmer la femme, la magnifier, la sublimer. Ouais. C'est la garantie, c'est la marque Ozon, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est important pour vous ? De bien filmer les acteurs Surtout les femmes. Les actrices. Surtout les femmes. Je trouve en particulier, je ne dis pas que Pierre est maltraité dans le film, loin ça, de là. Plus la ficelle de boucher, pas tant. Non, mais il y a une actrice qui sommeille en Pierre Ninet, moi. Tu prends grave. Il y a une actrice qui sommeille en Pierre Ninet. Absolument. Ça sera la phrase du jour. Ah ça, c'est un compliment, par contre. Ouais. Non, mais dans Romain Duris, par exemple, était aussi, quand il était filmé en femme, dans Ma meilleure amie, il était sublimé aussi. Vous savez, dans l'idée du cinéma, il y a l'idée que derrière la caméra il y a souvent un homme et voilà, donc il y a un rapport de séduction qui se fait à travers la caméra, donc les actrices en général aiment beaucoup ça et les acteurs parfois ont un peu du mal de ce rapport, ont du mal à être regardés par un autre homme et il y a des acteurs qui aiment ça, comme Gérard Depardieu, comme Pierre Ninet, et je pense qu'à mon avis c'est la graine des bons acteurs. Quand je pense à vous, Pierre Ninet, j'entends cette voix. J'ai envie que ça soit une maison d'idées et de culture, et j'ai aussi envie que ça soit une maison de spectacle. C'est la voix d'Éric Ruff, l'administrateur de la Comédie Française. Comme ça, ça va nous permettre de reparler de ce qu'on s'est dit avant votre arrivée. Et plus j'y repense, et plus je me dis, est-ce que c'est pas dommage de pas avoir l'occasion de vous voir sur scène aux Français, d'autant que je vois des Guillaume Gallienne, des Lafitte, qui arrivent à mener une carrière parallèle au cinéma, et qu'il y a des réalisateurs comme Desplechin qui viennent mettre en scène aussi aux Français. Est-ce que vous pouviez imaginer, à l'époque où vous avez quitté la Comédie Française, que la Comédie Française était capable de vous accepter dans vos envies, aussi multiples soient-elles ? Non mais moi j'ai fait 5 ans où j'étais très très heureux à la Comédie Française. Je sais, mais c'est pour la suite. Ouais, non, la suite, il se passait déjà des très très belles choses quand j'y étais. Il n'y a pas eu un changement non plus drastique. Là, j'étais d'ailleurs très heureux pendant ces 5 années. J'ai joué avec des gens que j'admirais, j'ai joué des tragédies, j'ai joué des comédies, j'ai appris énormément. Et puis au bout de 5 ans, j'avais envie d'autre chose, d'un renouveau. J'avais envie d'écrire, de monter ma boîte de production, de voilà, des choses qui demandent du temps. Ouais. Et un emploi du temps à la Comédie Française, c'est assez strict, c'est assez contraignant. Voilà, contraignant. Donc il y a des choses qu'on peut pas faire encore quand on est pensionnaire. Il y a aussi 2 statuts, pensionnaire et sociétaire. Denis Podalydès, Guillaume Gallienne, c'est effectivement des sociétaires qui ont un petit peu plus de marge de manœuvre, on va dire, dans la maison, où là, quand on est pensionnaire, on en a un petit peu moins. Et puis, mais il n'y a aucun regret, parce que je suis super heureux. Et puis surtout, je vais refaire du théâtre. Voilà, en vrai, c'est ça. Je voulais savoir, quand est-ce qu'on vous voit sur les planches? Bah, bientôt. C'est en discussion. Je veux trouver le bon projet, vraiment. Mmh. Et, mais c'est même pas que j'y pense, c'est que j'en ai très envie, je le désire. J'ai commencé au théâtre, c'est là que c'est mon premier amour, les planches. Donc je vais y revenir, c'est certain. Quand un comédien dit « je suis en discussion », ça veut dire que vous cherchez la pièce, que vous cherchez le partenaire, le metteur en scène, le ou théâtre. L'adresse, ouais. Un peu tout ça, un peu le combo parce qu'il y a magique. Tellement d'ingrédients, oui. Ouais, complètement, un peu le combo magique. Je reçois des choses, donc je lis un petit peu, puis je rencontre le metteur en scène, et puis de l'autre côté, j'essaie de voir moi ce que j'aimerais faire. Alors, de quoi avez-vous envie d'être dans un drame, d'être dans une comédie, de faire auteur du boulevard, classique, d'être dans le classique, nouveau d'être répertoire. Décalé. Non, je pense pas une comédie au théâtre, parce que moi j'ai commencé par plutôt le drame ou la tragédie, voilà. Donc je pense peut-être. Franchement, je peux pas vous dire encore plus précisément que non, ça. Non, mais sans dire ce qui va se passer. Mais votre rêve idéal, être par exemple sur scène avec quel partenaire? Ah, moi, mon rêve, c'est de faire une pièce avec James Thierry, le petit-fils d'accord, de Charlie ouais, Chaplin. Formidable. Mais voilà, il faut des compétences physiques. Il faut que je me mette maintenant pour jouer avec lui dans 2-3 ans. Qui a partagé l'affiche avec Omar Sy de Chocolat, qui était absolument formidable. Alors, ce que l'on sait moins de vous, François Ozon, c'est que vous vous moquez de la notoriété des comédiens que vous dirigez. La preuve. Ah bon? Ouais, vous avez mis un vent à Nicole Kidman. Apparemment, Nicole Kidman serait venue vous voir en personne après le carton de Swimming Pool. Et vous prépariez à l'époque Angel, je crois. Et... Ça s'est pas passé exactement comme alors ça. Alors dites-nous. Enfin, si, on s'est rencontrés. Voilà, j'avais le projet de faire ce film Angel d'après un bouquin d'une écrivain anglaise qui s'appelle Elizabeth Taylor. Mm-hmm. Et Nicole Kidman l'avait lu, elle avait envie de le faire aussi. Et donc on s'est rencontrés plusieurs fois. Mais très vite, quand j'ai commencé l'adaptation, quand je me suis attelé au scénario, il fallait raconter l'histoire d'une jeune fille. Ça commençait de 8 ans jusqu'à 40 ans. Et Nicole Kidman avait déjà 40 ans. Et j'avais du mal à la mettre à 8-12 ans voilà, dans le film avec des nattes. Et c'est compliqué aujourd'hui, ouais, de prendre 2 actrices différentes. Donc j'avais envie, donc j'ai choisi, alors peut-être c'était une erreur, hein, une actrice de 20 ans qui pouvait à la fois jouer 12-13 ans et qu'on pouvait vieillir à 40 ans. Mais rajeunir Nicole Kidman, ouais, à 12 ans, c'était un peu compliqué. Comment on fait pour dire à une actrice d'autres ont essayé avant vous. Je lui ai pas dit qu'elle était trop vieille. Je lui ai dit, voilà, je veux qu'une seule actrice pour tout le rôle. Mais elle l'a très bien compris, il n'y a pas eu de drame du tout. Il n'y a pas eu un moment où vous avez dit, on s'est croisé, on s'est reparlé. Voilà, c'est ça, je rate une occasion. Oui, c'est ce qu'on dit surtout mes producteurs. Les producteurs, ça. Je ouais. me suis fait un peu, mais bon, voilà. Et vous faites Rondé. Même peur à un comédien français qu'on a reçu il n'y a pas longtemps. Ouais, écoutez. Il y a Ozon, si vous là, justement, j'ose pas. Mais vous savez, vous faites partie de l'imaginaire d'un réalisateur ou pas. Mmh. C'est pas une question de talent, pas talent, machin. Mais voilà, je dois pas faire partie de son imaginaire. C'est Michel Blanc qui rêve disait qu'il adorerait tourner avec vous. Il adorerait tourner avec vous. Je suis ravi de le savoir. Voilà. Bah pourquoi pas, j'ai rien contre. Alors il se disait qu'il ne pouvait pas faire peut-être partie de votre imaginaire. Bah si, parce qu'il faisait une très belle femme dans tenue de soirée. En ah, pense. Encore une femme. Hein, on y revient, encore une femme. Est-ce que Pierre a été difficile à convaincre? Non, je dois avouer que ça s'est fait assez vite. Bon, après, il y a eu des problèmes d'emploi du temps parce que Pierre tournait un autre film, l'Odyssée, là, qui va sortir bientôt. Donc, il a fallu un peu jongler dans les emplois du temps. Mais très vite, dès que j'ai raconté l'histoire à Pierre, j'ai senti qu'il était sur la même longueur d'onde que moi. C'est ce qui est toujours agréable. Hein. Et puis, il a poussé le scénario dans son essence, dans ce qu'on voulait raconter. Donc, on s'est tout de suite très bien entendu. Et comment vous faites? Vous faites un film par an? Quasiment. Vous en êtes à votre 16e film. Vous avez 16 ans. Vous avez 16 ans et demi. Et vous avez quand même un j'aime rythme. Tourner. Qui... J'aime tourner. C'est vrai que j'ai eu la chance. C'est 2 ans, 3 ans. Bah, j'ai eu la chance d'avoir quelques films qui ont eu du succès, donc ça me donne une certaine liberté. Et puis je pense que mes films aussi sont dans une économie assez fiable. Mm-hmm. Ce ne sont pas des films qui valent, qui sont des blockbusters, qui coûtent très cher. Donc les producteurs me font confiance. Et puis voilà, après, c'est le désir. Des fois, il faut pousser un peu. Là, ça a été quand même un peu compliqué hein, de convaincre Eric les financiers, Nicolas les producteurs, le noir et blanc, l'allemand. Bon, voilà. C'était... L'idée est-elle venue en voyant au générique qui est marqué une libre adaptation du film de. Ernst Lubitsch. Broken Lullaby. Que je n'ai pas vu, donc je ne sais pas quelle est la différence entre le Lubitsch et votre adaptation. Bah, mais si vous avez rajouté libre adaptation, c'est que c'est totalement différent. Oui, c'est très. Bah, c'est raconté du point de vue du jeune français. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Lubitsch était autrichien. Donc, en tant qu'autrichien, il racontait l'histoire du point de vue français. Et moi, j'ai voulu répondre un peu à son film en tant que français, raconté du point de vue de la jeune allemande. Mais surtout, le film de Lubitsch a été fait dans les années 30. Et Lubitsch ne savait pas qu'il allait avoir une seconde guerre mondiale. Donc du coup, quand on revoit son film aujourd'hui, il a une toute autre saveur. Et donc l'idée de ce film est partie, c'est en voyant Lubitsch que vous avez dit je vais faire France. Non, c'est dans un second temps. D'abord, j'ai lu la pièce de théâtre dont est adapté le film de Lubitsch, une pièce de Maurice Rostand, qui est le frère d'Edmond, qui a écrit Cyrano de Bergerac, qui était une pièce de théâtre française, pacifiste, sur l'histoire de ce jeune soldat français. Très bien. En tout cas, on vous encourage vivement à aller voir ce très bon, beau film brillamment interprété par Paul Haber et Pierre Niney, entre autres. Ça s'appelle Franz et c'est au cinéma. Et le couple des parents allemands, ils sont fantastiques, ces deux comédiens. Touchant. Oui, très touchant. Deux acteurs de théâtre allemands, Ernst Stötzner et... Très attachant. Non, et Marie Gruber. c'est une leçon. Ernst Stötzner, Marie Gruber, Johann von Below, Anton von Luc, Cyrielle Clair qui est présente également dans... Cyrielle Clair. Voilà. Et Alice de Langsin, ça c'est pour la deuxième partie française, francophone, qui arrive dans le film. Mais vraiment, il y a une part d'humanité qui est absolument touchante, émouvante, et une part de notre histoire qu'il ne faut absolument pas oublier. C'est France, c'est au cinéma aujourd'hui. France Inter, midi. La bande originale. Pierre-Emmanuel Barré, attention, oui, il est là, Calmez-vous tous, attendez, j'ai une blague. Est-ce que vous savez ce que c'est un sandwich qui se fait tabasser par la police? Non. C'est un jambon beurre. Allez, 1-0 pour l'humour, Nagui. Allez, assez plaisanté. C'est l'heure de ma revue de presse et cette semaine, on va parler de 2017. Jingle. 2017, c'est très très bien. C'est comme 2016, mais en mieux, parce qu'on est plus mature et du coup on a plus de recul sur des pratiques sexuelles comme la sodomie. Et ça tombe bien parce que 2017, c'est une année électorale, alors on va encore bien se faire remplir les fesses. Ah, vraiment, je ne sais pas pourquoi, je sens que ça va être une belle année. Sarkozy 2017, Montebourg 2017, Juppé 2017, Fillon 2017, tous les gens que je déteste ont rajouté 2017 derrière leur nom. Qui sait ? Avec un peu de chance, c'est l'année de leur mort. Hein. Oh. Tous les jours, je vais sur Twitter en espérant voir un post de Cyril Hanouna 2017. Le seul qui n'a pas encore mis 2017 derrière son nom, c'est Hollande. Il a trop peur que ce soit prémonitoire quand on annoncera le nombre de voix pour chaque candidat. Hollande, 2017. Hein. Mais d'ailleurs, je ne sais même pas s'il va oser se représenter avec le bilan qu'il a. Hein. Son combat contre la finance, perdu. Son combat contre le terrorisme, perdu. Son combat contre le chômage, perdu. Le seul combat qu'il a gagné, c'est contre son nutritionniste. Hein. Non, je vous le dis, hein, les présidentielles de 2017 vont rentrer dans l'histoire. Tous les candidats sont bouillants pour choper l'Elysée. Ils ont la bave aux lèvres, hein, le slip tendu comme un centriste chez Castorama. Hein. On dirait des puceaux en fin de soirée qui font la queue au bois de Boulogne pour se taper la dernière pute. Hein, mauvaise nouvelle, hein, la dernière pute, c'est nous. Alors, cette année, tous les candidats sont magiques, mais c'est quand même chez les Républicains qu'il y a les plus beaux. Ah bon, alors Sarkozy, j'en parle même pas. D'ailleurs, quand on voit écrit Sarkozy 2017, on sait pas bien s'il se présente ou s'il compte ses mises en examen. Hein. Puis alors ceux qui vont voter pour lui, il n'y a plus rien à faire pour eux. Voter une deuxième fois pour Sarkozy, c'est comme s'il y a un mec qui vient chier dans ton salon et toi tu le poursuis en criant « Attends, j'ai une salle à manger aussi !» Mais même Copé, il se présente. Putain, Copé quoi! Arrête gros, t'es nul! Même délégué de classe, c'est au-dessus de tes compétences. Tu ne gagneras jamais, personne ne t'aime Jean-François. Si on a le choix entre toi et une boîte de thon à la catalane, ça va sentir le poisson à l'Elysée. Quant à Juppé, bon bah là, ouais, c'est carrément triste. Hein. Il est désorienté, il essaye d'être aussi raciste que les autres. Mais avec sa double cataracte, il distingue pas bien les couleurs. Juppé 2017, c'est l'âge en fait. Hein. Si les candidats c'était des ordinateurs, Juppé, ce serait une feuille de papier. Il est au bout du rouleau. De toute façon, cette élection, ça va être lamentable. Alors je propose qu'on y aille sur le ton de l'humour et qu'on vote tous pour Nadine Morano aux primaires républicaines. Ah oui. Alors, elle, clairement, le 2017 derrière le nom, c'est le nombre de neurones fonctionnels qui lui reste. Hein. Son programme politique est simple, petit 1, ne pas oublier de respirer. Petit 2, Surtout ne pas oublier le petit A. Nadine, quand on lui a demandé de récolter 500 signatures, elle a planté un autographe de Michel Sardou dans son potager. Depuis, elle attend que ça pousse. Hein, vous imaginez un deuxième tour entre Morano et Le Pen? On aura l'impression de voter à l'élection de Miss France dans la catégorie des plus de 90 kilos, disons. Le discours de la gagnante va être magnifique. Hein. Moi, mon rêve, c'est que dans le monde, il y a plus de gens malheureux, plus de guerres et plus d'Arabes. Hein. En plus, cette année, tout le monde peut voter aux primaires républicaines, il suffit de payer 2 euros. Hein, me demandez pas pourquoi, j'imagine qu'ils utiliseront la cagnotte pour payer la caution d'un d'entre eux. Alors, pour que Morano soit la candidate des Républicains et qu'on se marre bien pendant la campagne, c'est simple, hein, votez Rigolo, votez Morano. Surtout que grâce à Guy Bedos, s'il y a une jurisprudence, on a le droit de la traiter de conne. Hein, et au final, qui de mieux qu'une conne pour nous représenter? Merci de m'avoir écouté. La ville originale, Lady, sur France Inter. Tous les avocats qui veulent porter plainte, l'adresse c'est Maison de la Radio, Pierre, le bureau de la bande originale, chez Nagui. On fera suivre. France, le film sort aujourd'hui. Dans quel état d'ailleurs êtes-vous le jour de la sortie d'un film en règle générale et particulièrement aujourd'hui? Avez-vous bien dormi déjà la nuit dernière? Non, pas dingue, parce qu'on a fait un peu. La fête, on a beaucoup. Non, pas tellement la fête. Pas en tellement. Fait, on a, c'est ce soir. Peut-être ce soir. Mais d'habitude, moi, je suis un petit peu plus stressé et là, je le fais de travailler. Aussi avec un, moi c'est la première fois que je travaille avec un réalisateur qui a autant de films à son actif, qui a une grande expérience, donc je me repose un peu sur l'expérience de François, ça fait beaucoup de bien. Non mais je sais pas, je suis en confiance, puis je suis super fier du film, de la réaction qu'on a eue à la Mostra de Venise, aux avant-premières qu'on a fait partout en France. Il y a vraiment des belles réactions et de tous les âges, de tous les genres de gens, parce que le film est très riche, donc il trouve un moment, quelque chose, que ce soit, comme on le disait, politique ou sur l'intemporalité des sentiments, de l'amour, de la culpabilité, du mensonge, sur l'idée de la fiction et de la réalité, sur du pardon, ou de l'art, il y a toujours un moment, un écho avec les gens, j'ai l'impression, enfin la plupart du temps, donc moi je suis assez serein, j'aime beaucoup le film. Vous avez été ovationné à la Mostra de Venise, enfin c'est quand même... Non mais ça mérite, on n'est pas là dans la flatterie de la promotion et de la règle générale, vraiment. C'est pas comme d'habitude, vraiment le pense. Ah bon, merci. Il y a deux manières de recevoir des invités, c'est de mettre en valeur leur travail et de les respecter, et puis après de dire, et en plus on a adoré. Voilà. Vous avez les premiers chiffres là, parce que là c'est passé oui, la première séance. Oui, on a les premiers chiffres, on était premier au hall avec 93 personnes. C'est très bien parti. C'est beaucoup ça. Ouais, c'est beaucoup, le deuxième film était à 50 ans, donc c'était bien. Et ce qui était intéressant, c'est que quand on a fait la tournée, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de jeunes filles, pour le public en partie de Pierre, et de beaucoup de mamans, ce que je disais tout à l'heure. Aussi. C'est le fil de et ce matin, il y avait beaucoup de cheveux bleus. Ah. Donc un autre public, plutôt le mien, je dois avouer. Bah, il sort, il fait beau, il sort. Voilà, il est 9h du matin, les jeunes sont pas encore réveillés, elles iront cet après-midi. Quelques années que l'on a prises comme ça, deux années en l'occurrence, on a d'abord pris l'année 1990. Bangles. C'est ce que vous écoutiez, François Ozon, lorsque vous étiez à la FEMIS, des Bangles, c'était un off-flame? Non, c'est pendant un été, c'était pendant l'été à Rimini, j'ai une histoire d'amour et qui est liée à cette chanson, donc je m'en souviens très bien. Oh, c'est la BO d'Histoire d'amour, donc quand vous entendez cette chanson, absolument, vous revivez Je revis des moments érotiques. C'est beau, on va laisser encore un c'est peu. C'est pas triste? Les moments érotiques, oui, parce que c'est fini. Non, les moments érotiques étaient très beaux, parce que c'était l'Italie, il faisait beau... C'était la plage, le soleil. Vous voulez qu'on vous caresse un peu pendant la Oui, je veux bien. Moi-même, je me caresse quand je l'écoute. Hein. Allez, on se déshabille. J'adore cette émission. Je sens que c'est la dernière journée de promo et là, François Ozon a craqué. Il a eu les chiffres sont bons. Qu'avez-vous appris ou retenu de la FEMIS? J'ai beaucoup expérimenté. Ce qui était génial, c'est une école dans laquelle on a les moyens de faire des choses. Donc forcément, j'ai appris parce qu'on avait des professeurs qui nous apprenaient des choses, mais surtout, on avait les moyens de faire des films. Et il n'y a rien mieux pour apprendre que faire, se tromper, essayer et rencontrer surtout d'autres techniciens avec qui j'ai travaillé. Et donc, il y avait beaucoup d'expérimentation. Donc, c'est surtout ça ce que j'ai appris. Vous voulez dire que là encore aujourd'hui, vous sentez le résultat de cette éducation, de cet apprentissage? Pas particulièrement que de la FEMIS, parce qu'avant j'avais fait des films en Super 8, j'avais fait d'autres choses, mais c'est vrai qu'à la FEMIS... Vous conseillerez à ceux qui veulent être réalisateurs de... Bien sûr, mais je pense qu'il y a d'autres moyens pour arriver à faire aujourd'hui, des films, mais la FEMIS c'est très luxueux, enfin voilà, c'est une chance incroyable de pouvoir y rentrer et de pouvoir expérimenter. Vous aviez un an, Pierre Ninet, lorsque François Ozon était à la Fémis. Oui. Quel souvenir avez-vous gardé de cette expérience? Bah, des très beaux souvenirs. Je me rappelle notamment d'un coucher de soleil aussi. Non, pas du tout. Rémini. Ah, c'était toi, merci. Rémini. C'est ça. Ça, c'est passible de prison quand même. Non, un an, c'est pas mon âge. C'est un vrai bordel, cette vie. Oui, il se passe plein de trucs très, très, très, très chelous. Non, oui, j'ai aucun souvenir de cette année-là. C'est bizarre d'ailleurs qu'on ait aucun souvenir de notre enfance. Des fois, j'y pense vraiment du très jeune âge, un an. Votre dommage, souvenir le plus lointain, il remonte à quel âge? 4-5 ans? Franchement, je sais pas. Même pas? Bah, je sais pas du tout. Je parle du vrai souvenir, hein, pas celui qui vient d'une photo, non, ou d'un film. Je crois que c'est plus tard, hein, je crois que c'est genre 6 ans, peut-être quelque chose comme ça, quoi. Mais je saurais même plus dire précisément le premier souvenir, je trouve ça assez mal fait. Le disque dur. Non, mais c'est vrai, on oublie les premières années et pourtant elles ont été essentielles dans la formation du caractère et dans les bases de l'éducation. On va faire un bond en 2013. I wish I'd be in your world arms. Vous écoutez, c'est vous, Pierre Ninet, qui écoutez Patrick Watson, ce titre en tout particulier, en 2013, alors que lui, il était sorti en 2009. Mais c'est le principe de cette BO, c'est qu'on écoute des musiques qui évoquent des choses. Ça, c'est la bande originale de quel moment de votre vie? C'est un moment... Déjà, c'est la découverte de Patrick Watson qui est une grosse découverte pour moi, parce que je trouve qu'il a une voix incroyable, un charisme, un charme dingue. Et puis, c'est des souvenirs de théâtre, 2013. Qu'est-ce que je faisais exactement en 2013? Vous avez Nagui, connais toute ma vie. Vous étiez nommé au César en 2013. Vous avez lancé casting. Vous avez réalisé votre premier court-métrage. Bizarrement, c'est plus au contraire l'émancipation du théâtre que. Oui, non, mais il y avait quand même le théâtre qui était très présent cette année-là. La préparation de mon court-métrage. Ouais, je prépare toujours les rôles et là c'était de la réalisation, mais avec des playlists et de la musique. Et Patrick Watson, il fait toujours partie de mes playlists sur le film France notamment. Il y avait du Patrick Watson, il y avait du Noir Désir, il y avait du Chopin évidemment. Dans son casque, hein, dans sa loge. Oui, j'ai bien compris. Et vous, François, vous écoutiez quoi? Eh ben ça. Ah pardon, j'aurais dû en 2013, il écoutait ça. Avec de très jolies filles dans le clip d'ailleurs. Ouais. Et il y a deux versions de clip, c'est ça, ce qui censuré, pas censuré. Ouais. Ouais, c'est incroyable parce qu'ils les ont tournés en même temps, en sachant que l'une allait être censurée. C'est assez curieux. Oui, enfin c'est comme les chansons anglaises où il y a fuck, où ils font d'office une version avec forget à la place de fuck. Ah oui, d'accord. Je savais pas. Voilà, c'était. Oui. Je crois que c'était. Je sais plus comment il s'appelle. Il y avait une chanson qui s'appelait Fuck You et qui avait été chantée version forget you et fuck you pour pouvoir passer. Mylène Farmer a fait ça aussi sur une de ses chansons. Je peux pas vous dire. J'écoute pas les paroles. Ah oui, c'est vrai que c'est votre ami. Non, mais je comprends pas les paroles. Donc revenons à 2013. Vous, l'une des actrices fétiches, et celle dont vous avez parlé aussi avec tendresse tout à l'heure, c'est Charlotte Rampling. Oui. Que vous avez retrouvée cette année-là. Vous courez après les actrices? Non. Ou c'est l'inverse? Non, elle ne me court pas non plus après. Enfin, moi, j'aime beaucoup les acteurs, les actrices, mais voilà, après, c'est le film qui demande l'actrice qu'il faut. Enfin, c'est pas... Il faut une sensibilité particulière et une élégance particulière pour tourner un film sur l'éveil de la sexualité d'une adolescente. Vous parlez de Jeune et Jolie, film avec Charlotte Rampling en 2013, pardon. Oui, enfin c'était Marine Vacte surtout, c'était pas l'éveil sexuel de Charlotte Rampling. Ah oui, je parlais de Charlotte Rampling, puis du film et de Marine Vacte. Oui, bien sûr, enfin, j'ai essayé de le raconter le mieux possible avec pudeur et sensualité. Mais quels sont vos garde-fous dans ces cas-là? Ce sont les producteurs? Vous avez quelqu'un qui vous... Non, vous êtes tout seul à décider. C'est l'histoire qui... Voilà, alors après, filmer des scènes de sexe aujourd'hui, est-ce que ça intéresse encore le spectateur alors qu'on peut voir tout ce qu'on veut sur Internet? Oui, donc certains, on voit. Oui, bien sûr. Voilà, mais est-ce qu'il est représentatif de tous les spectateurs? Je ne sais pas. Non, lui, non, sûrement pas. Sûrement pas. Le film s'appelle donc France, il sort aujourd'hui, il est signé François Ozon, 16e film de François Ozon, et Pierre Ninet partage l'affiche avec Paul Haber et on vous le recommande vivement. Et ce film donc, merci Jean-Pierre Guénaud de venir à ce micro, se situe pendant cette Première Guerre mondiale. Je disais que vous avez écrit Dans la peau du soldat inconnu parce que c'est vrai que dans le film, Franz en question est mort et enterré, mais sa dépouille n'est pas dans cette tombe et qu'il y a des milliers de soldats qui sont des soldats inconnus d'ailleurs, mais dont les familles n'ont pas eu la dépouille pour pouvoir les enterrer et faire le travail de deuil. Franz, qui est allemand, était l'image d'un Français sur trois. Sur les 1 500 000 poilus qui ont été tués sur les champs de bataille, un tiers, 500 000, ont été pulvérisés ou leurs bombes ont été, leurs tombes ont été bombardées, on ne les a jamais retrouvées. Ce qui veut dire qu'un Français sur trois s'est reconnu dans le personnage, le mythe du soldat inconnu. C'est une chimère, le soldat inconnu. Je ne pouvais pas en traduire 500 000, il m'aurait fallu quelques centaines de volumes. Vous avez choisi sept J'en ai choisi sept, comme dans un jeu de cette famille. Ils ont tous vécu, certains sont morts, certains sont connus, d'autres pas. Tous leurs propos sont authentiques, tirés de leurs lettres. La lettre joue un grand rôle dans le film de François Ozon. Certains sont connus comme Alain Fournier, comme le colonel Briand. L'auteur du Grand Maulne, voilà. qui pourrait être le soldat inconnu en fait. Qui pourrait être, oui, mais on l'a retrouvé en 2000. On a cru longtemps qu'on ne savait pas où il était, mais on l'a retrouvé en l'an 2000. Et ben, tous ces gens-là, en fin de compte, ont fait que leurs parents, leurs proches n'ont jamais pu faire leur deuil. Et jusque dans les années 60, il y avait un fantasme. Beaucoup de gens, et ça pouvait être le cas des parents de France aussi, de l'Allemand, pouvaient se dire, mais il est peut-être vivant. Pour les Français, il avait peut-être été fait prisonnier quelque part, peut-être avait-il refait sa vie en Westphalie. Les gens n'ont pas pu faire leur deuil, et jusque dans les années 60, il y a eu cette ambiguïté. Quand on lit les lettres de Poilu, d'abord, elles ont été précédées, la Grande Guerre a été précédée d'une révolution. L'école de Jules Ferry a terminé le travail de l'Église. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont définitivement appris à lire et à écrire. Ça a tout changé. Pour la toute première fois, dans les tranchées, ils racontent eux-mêmes leur histoire, dans leurs lettres, dans leurs journaux intimes. Et ce qui est étonnant, c'est que cette histoire n'a pas grand-chose à voir avec celle dont nous avons fait l'apprentissage sur les bancs de l'école. Et là, on rentre dans la formidable actualité du film de François Ozon pour deux raisons. D'abord, un siècle après, on remet certaines pendules à l'heure. Il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de déni. Et puis ensuite, on est dans une autre forme d'actualité brûlante, ce qui explique l'explosion de la Première Guerre mondiale et puis celle de la Seconde. Et ce qui explique les problèmes que nous traversons aujourd'hui, c'est le rejet de l'autre, c'est la peur de l'autre. Et en fait, la peur de l'autre, c'est la peur de soi-même. En détestant l'autre, en repoussant l'autre pour sa différence, nous craignons les différences qui sont en nous-mêmes, les zones d'ombre qui sont au sein de nous-mêmes. Quand on comprend ça, on a fait un grand pas. D'où actuellement, à nouveau, une forme de montée du populisme, du nationalisme, de l'ostracisme, de tout un tas de choses un peu immondes qui sont toujours inquiétantes. C'est aussi bien le manque de connaissance et de compréhension de l'autre que de soi. Oui, puis la peur de la différence. Ouais. C'est Saint-Exupéry qui disait que tout ce qui diffère de moi, loin de me léser, m'enrichit. Bon, ben, c'est énorme. En fin de compte, nous ne sommes riches que de l'agrégation de nos différences. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais beaucoup de gens ont une peur panique de l'autre, une peur panique de la différence. Ça explique beaucoup de choses. Et ce qui est formidable dans le film de François Ozon, c'est ce rôle du mensonge. Le mensonge, il a commencé bien avant la guerre. Les populations européennes ne voulaient pas de cette guerre. Et Stefan Zweig, dans Le Monde d'hier, dans l'entre-deux-guerres, l'analyse bien. Mmh. Et il a fallu, je l'ai analysé dans un autre de mes livres, 20 ans de travail assidu entre grosso modo la fin du 19e siècle et 1914 pour que les élites en France, comme de l'autre côté du Rhin, fassent basculer l'opinion publique qui n'avait envie que de mondialisation, dans le bon sens du mot, que d'universalisme. Il n'y avait pas les programmes d'étudiants qui existent aujourd'hui, comme Erasmus, mais il faut bien voir que la science, les arts, les techniques, entre 1830, 1850 et 1910, n'avancent que dans les capitales européennes. Il y a une Europe très forte. La psychanalyse n'aurait jamais avancé si jamais il n'y avait pas eu cette alliance des chercheurs à travers l'Europe. Les étudiants, c'est pareil. Et là encore, c'est très pertinent, parce que c'est très vrai. Semblable, cette amitié entre un Français et un Allemand, étudiant. Attention, Jean-Pierre n'a pas raconté le film. On ne raconte pas le film. Voilà. Jamais personne n'a donné le titre de la pièce de Rostand. Voilà. Ce travail. Oui. Ah oui, mais je viens de comprendre. Mais non. Non, mais je viens de comprendre par rapport au titre de la pièce. Il y a une tension autour de cette table, il y a une tension, ça, c'est pas ça. Ah bah oui, c'est important. Ce travail, cette recherche de Jean-Pierre Guénois, un travail d'historien aussi, vous vous êtes penché, justement, vous avez beaucoup lu des lettres de Poilu, oui. Parce que qui ont une valeur de testament, qui ont une valeur de document. Bien sûr, en fait, ce qui a été assez frappant, vous allez me confirmer ou pas, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de documentation en France, parce que la guerre a eu lieu en France, enfin, et qu'en Allemagne, beaucoup moins. On sent que les Allemands ont un peu oublié, il y a moins de recherches, moins d'historiens qui travaillent sur cette période. Et quand on a trouvé les producteurs allemands pour coproduire le film, ils étaient très curieux très surpris que je m'intéresse à cette période, oui. 1919, parce qu'ils ont l'habitude d'être représentés toujours sur la Seconde Guerre mondiale. Oui, et c'est vrai que leur travail de mémoire, de culpabilité est très important sur la Seconde Guerre mondiale. Militairement parlant, les Allemands n'ont pas le sentiment d'avoir perdu la Première Guerre mondiale. Ouais. Ça a été une défaite économique, ouais, avant tout. Et en France, il y a eu une forme de déni aussi. Regardez, on vient de commémorer successivement des batailles comme Verdun, ou comme, un petit peu plus tard, la Somme. On a tué beaucoup plus, presque deux fois plus de monde dans la Somme qu'à Verdun. Mais on ne commémorait pas cette bataille parce que la plupart des morts, il y a eu des Français aussi, étaient anglais. Et en France, on est un peu anglophobe. Donc il y a un déni formidable. On cherche toujours à nous faire croire que la Grande Guerre serait née avec l'assassinat de l'archiduc. Il faut arrêter de rire. Des tsunamis de ce genre ne se préparent pas 15 jours, une semaine, 3 mois à l'avance. Il y a une vraie Première Guerre mondiale qui est occultée parce qu'elle est essentiellement économique. Et puis sur le terrain, elle est terrible. C'est la guerre coloniale. J'ai une interprétation de la Première Guerre mondiale qui n'est rien d'autre que la réimportation au sein des frontières de l'Europe de la violence des guerres coloniales, qui sont terribles. Ce Jules Ferry auquel moi je dois tout, je ne suis pas issu d'un milieu fortuné, et je n'aurais jamais fait les études que j'ai faites sans l'école de Jules Ferry, mais ce même Jules Ferry, c'était aussi le grand chantre du colonialisme. Il a écrit des choses ignobles et affreuses. On est toujours un peu dans ce déni. On donne en France des leçons de liberté à tout le monde sans voir que c'est entre 1870 et 1910 que les intellectuels français, des gens comme Renan, comme Jules Ferry, ont mis au point ce qu'on appelle la dialectique de la raciologie. Et malheureusement, quelques décennies plus tard, c'est dans cette dialectique qu'un certain Adolf Hitler est venu puiser toute sa propre dialectique. Elle était universelle. On l'a trouvée en Angleterre, on l'a trouvée chez des penseurs de l'Europe entière. Mais les Français ont conceptualisé la raciologie avec un talent fabuleux. Souvent, on sait où on va en fonction de là d'où on vient. Donc, comme vous êtes intéressé au passé, est-ce que tout ce qui se passe en ce moment dans notre pays, et particulièrement en Europe au sens général du terme, c'est-à-dire la montée des nationalismes, quels qu'ils soient, vous inquiète ? Oui, parce que c'est toujours cette histoire de la peur de l'autre. Je crois que la meilleure éducation qu'on puisse donner aux gens, bien, c'est de les prévenir contre ça. J'ai fait une sorte de pied de nez dans ce livre qui est extrapolé de Paroles de Poilu. Vous savez que la Parole de Poilu a été lancée avec Radio France, avec les antennes de Radio France, il y aura bientôt 20 ans, hein, c'était en 1997. Là, je voulais donc traduire par ce jeu de cette famille ce qu'était le soldat inconnu, qui est une sorte de chimère. Ça s'appelle Dans la peau du soldat inconnu. Oui. Mais j'ai voulu terminer ce livre par une sorte de pied de nez, parce que les grandes victimes de la Grande Guerre, ce sont les femmes, ce sont les grandes oubliées. Merci, après Jean-Pierre. Après tout, quand un poilu a vécu son calvaire, qu'il ait duré 3 jours ou 4 ans, c'est fini, il est mort. Mais les femmes, elles, leur galère va commencer. Et puis des femmes, il y a du monde quand même. Il y a 600 000 veuves de guerre, il y a 760 000 orphelines, il y a 1 million de mères qui ont perdu leurs fils. C'est énorme. Alors j'ai voulu, à la fin de ce livre, faire le seul acte pas historique dans ce livre, qui ne soit pas véridique, c'est que le soldat inconnu n'est pas qui on pourrait croire. Et je vous lis simplement 3 lignes, sans balancer la fin. C'est donc une femme, cher lecteur, qui dort sous la flamme sacrée, sous l'arc de triomphe. Ce pourrait être par une autre farce, par un autre caprice de l'histoire, un juif, un arabe, un sénégalais ou un allemand, un être humain, tout simplement. Jean-Pierre Guénaud signe dans la peau du soldat inconnu et son génie. Daniel Morin, est-ce qu'on peut se reconstruire après avoir fait la guerre ? Excellente question, monsieur Guy. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Néanmoins, je mettrai un frein à mon enthousiasme. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la bonne question, malheureusement. Non, je suis désolé, la bonne question est, pourquoi est-ce qu'une bonne guerre, ça nous fera du bien ? Mais oui, c'est évident. Voilà, on n'est pas simplement en période de crise économique, monsieur Guy, aussi on est en période de doute, période de tâtonnement identitaire, idéologique. Et même parfois, si le tâtonnement peut s'avérer ludique et agréable, il n'en est pas moins vrai que nous manquons de repères. Pour retrouver nos repères, rien de tel qu'un conflit armé, rien de tel qu'une bonne guerre. Alors d'aucuns diront, la guerre, c'est pas bien, on peut se blesser. Oui, certes, mais faire de l'exercice, ça rapproche les hommes. Et quand ça s'arrête, ça crée de l'emploi. Oui, les amis, quand les infrastructures d'un pays sont en cendres, et une fois que Bernard-Henri Lévy a fini de faire le zouave sur les ruines en hurlant la chemise ouverte au ciel, les yeux au ciel devant une armée de journalistes, plus jamais ça ! Eh bien, on peut reconstruire, et ça fait travailler des gens. Voilà, les amis, une fois que Pierre-Emmanuel Barré se sera pris une balle dans la tête par un auditeur allemand qui trouve qu'il parle trop fort, eh bien, ça fera des emplois. Et une fois que tous les cons seront morts, eh bien, ça fera du bien. Quant à votre question initiale, monsieur Guy, à savoir, peut-on se reconstruire après avoir fait la guerre ? Moi, je vais vous dire un truc, j'en sais rien. Merci, Daniel Morin. Moi, c'est Lucas, 26 ans, et toujours pas le permis. J'ai attaqué le code il y a des mois, mais je m'entraîne pas assez. J'avoue, parfois, je manque de sérieux. Sauf pour une chose, ma santé. Alors, pour ma mutuelle, j'ai choisi MGEN. Pour eux aussi, la santé, c'est sérieux. Au point d'innover avec le programme connecté Vive Optime qui m'aide au quotidien à être en forme. MGEN a même créé une appli mobile qui me permet de compter mes pas, en attendant d'avoir le permis. Lucas a choisi MGEN. Et vous ? Pour en savoir plus, rendez-vous sur mgen.fr. Pour 139 euros par mois, ne dites plus jamais. Ça passe pas. Smart for Two. Garez-vous enfin là où vous allez. Smart for Two 45 kW pur à partir de 139 euros par mois. Offre LLD 48 mois 40 000 km sans apport, sans assurance, sous réserve d'acceptation par Mercedes-Benz Financement. Valable jusqu'au 30 septembre 2016. Détails sur smart.com. Smart. Christine, sociétaire Massif. J'aime bien tout organiser. Mes vacances, mes sorties. Alors pour mes obsèques aussi, j'ai tout prévu. Avec Garantie Obsèques de la Massif, j'ai le pouvoir de financer et d'anticiper l'organisation de mes obsèques. C'est plus simple pour mes proches. Chez moi, je suis sereine. Massif. Essentiel pour moi. Rendez-vous dans nos points d'accueil ou sur massif.fr. Voir conditions et limites du contrat sur massif.fr. Le contrat garanti obsèques proposé par la Massif est assuré par Massif Mutualité, mutuelle régie par le livre 2 du Code de la Mutualité. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. Le livre sur la place à Nancy, du 9 au 11 septembre. Trois jours de rencontres et de lectures avec plus de 600 auteurs présents au premier salon national de la rentrée littéraire, présidé par Philippe Claudel. Nancy fête le livre dans un cadre patrimonial unique au cœur d'une des plus belles places du monde. Et retrouvez, si tu écoutes J'annule tout, en direct et en public de l'Opéra National de Lorraine, vendredi 9 septembre à partir de 17h. Renseignements sur franceinter.fr. Vous êtes bien sur Inter et il est midi. Les informations, Lina Thompson. Et avec cette information qui vient de tomber, une voiture appartenant à une personne fichée S, le fichier des personnes soupçonnées d'appartenance à une mouvance terroriste, a été retrouvé avec 6 bonbonnes de gaz près de Notre-Dame à Paris. Il n'y avait pas de détonateur, selon la police qui donne cette information. Pas plus de précision pour l'instant. Nous y reviendrons bien évidemment à 13h dans le journal de Bruno Duvic. Informer de la localisation des radars routiers n'est pas un délit, c'est le sens d'un arrêt de la Cour de cassation rendu hier dans une affaire concernant les membres d'un groupe Facebook qui informait sur la localisation des radars. Les personnes poursuivies avaient été relaxées en appel il y a un an, mais le parquet avait saisi la Cour de cassation. Cette dernière a donc considéré que seul est interdit l'usage d'appareils pouvant déceler la présence des radars sur les routes ou les perturber, mais pas le fait donc d'informer sur leur localisation. L'avocat des personnes poursuivies, Rémi Jossomme, se félicite de cette décision. C'est le soulagement parce que ces personnes ne comprenaient pas pourquoi elles étaient poursuivies. Elles ont encore moins compris pourquoi elles étaient condamnées. Et cette décision de la Cour de cassation, qui fait évidemment jurisprudence, puisque la Cour de cassation est la plus haute instance en France en matière judiciaire, eh bien la Cour de cassation dit très simplement le droit. Elle dit qu'il n'y a pas d'interdiction dans les textes qui visent à réprimer une personne qui informe une autre personne de la position des radars. C'est le triomphe de la liberté de communication, de la liberté d'information. Et à la rigueur, est-ce que la Cour de cassation pourrait dire le contraire ? Parce qu'on voit mal un texte venir réprimer telle ou telle personne parce qu'elle aurait informé son voisin, son époux, par SMS ou par téléphone, qu'à tel endroit, il y a un contrôle radar. Propos recueillis par Lucie Barbarin, tonalité toute différente bien sûr du côté des défenseurs des victimes des accidents de la route. L'avocate Joanne Collard a déploré qu'on donne raison aux adversaires de la politique de sécurité routière. Suite aujourd'hui du procès pour fraude fiscale de Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre du Budget qui a évoqué à l'ouverture du procès lundi un financement politique en faveur de Michel Rocard, doit s'expliquer aujourd'hui plus en détail sur le cheminement de son argent caché à l'étranger, de la Suisse à Singapour. Le procès doit se dérouler jusqu'au 15 septembre. L'UFC Que Choisir lance une action de groupe en justice contre la BNP Paribas. L'action concerne un fonds de placement nommé Jet 3, dont le rendement a été négatif après la crise de 2008 et pour lequel la BNP a déjà été condamnée. L'association de consommateurs estime que les épargnants de 2000 à 5000 personnes devraient au moins récupérer leur mise d'origine, puisque le capital était garanti. La BNP a prélevé des frais de gestion ou de souscription et les épargnants s'estiment floués. La première patiente au monde greffée du visage, dont la mort a été annoncée hier, est morte d'une tumeur maligne rare qui n'a pas de lien avéré avec les traitements anti-rejet qu'elle prenait. Ce sont les explications ce matin du centre hospitalier d'Amiens où elle était traitée. Cette patiente avait été greffée en 2005. 35 autres greffes du visage ont depuis été réalisées dans le monde, dont 9 en France. 6 patients sont décédés. Gaël Monfils affrontera Novak Djokovic en demi-finale de l'US Open de tennis après-demain. Le numéro 1 mondial serbe s'est qualifié cette nuit après l'abandon sur blessure de Joe Wilfried Tsonga. Affronter Djokovic, ce ne sera pas facile pour Monfils, qui n'a jamais gagné un tournoi du Grand Chelem. Mais le Français est en grande forme, alors pourquoi ne pas espérer, Jérôme Val ? Gaël Monfils est serein comme jamais sans doute il l'a été. Maîtrise technique, résistance physique rarement atteinte durant cette US Open, c'est le seul à ne pas avoir perdu un seul set. Le joueur âgé de 30 ans, anniversaire qu'il a fêté ici à New York jeudi dernier, a enregistré hier face à Lucas Pouille sa 40e victoire de l'année, celle qui lui ouvre les portes d'une nouvelle demi-finale de Grand Chelem après Roland Garros en 2008. Alors après de très nombreux espoirs déçus, est-ce enfin l'année Monfils ? La semaine dernière, John McEnroe, vainqueur de 7 tournois du Grand Chelem, avait vertement tensé le Français. L'une des plus grosses déceptions de l'histoire, avait dit le champion, au vu de son potentiel, mais un palmarès vierge dans les grands tournois. Une charge qui n'a même pas affecté Monfils, très serein, on le répète. Alors avant même l'issue du tournoi, le Parisien sait qu'il va retrouver dans quelques jours le top 10 au classement ATP, ce qui ne lui était plus arrivé depuis presque 5 ans. Nouvelle preuve que Monfils a bien changé. New York, Jérôme Val, France Inter. Et puis en football, hier soir, je vous rappelle que l'équipe de France a entamé ses matchs de qualification à la Coupe du Monde 2018 avec un match nul plutôt décevant, 0-0 contre le Bélarus. Du lundi au jeudi soir sur France Inter. Le nouveau rendez-vous, c'est l'émission énervée du soir. Laurent Goumard. 2 heures tendues sur le fil de l'actualité culturelle et ce mercredi, retour d'Afghanistan pour la chanteuse et comédienne Soko. Elle en a vu du pays dans le nouveau film de Muriel Delphine Coulin, On marche au pas dans le énervé. Le nouveau rendez-vous, ce soir sur France Inter, à partir de 22h. France Inter, on aime, on vous en parle. Ça ira 1, fin de Louis, de Joël Pommerat. Du 9 au 25 septembre, à Nanterre à Mandier. Joël Pommerat donne à voir le politique et le théâtre en train de se faire. Un théâtre profondément démocratique qui plonge le spectateur dans le bouillonnement idéologique révolutionnaire et réinterroge les nécessités de l'engagement politique. Transformant le plateau en agora, les 14 acteurs mettent la parole au centre de l'action théâtrale. Retrouvez Ça ira 1, fin de Louis, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. À 13h, le journal de Bruno Duvic qui reviendra longuement sur l'affaire Cahuzac et qui reviendra donc sur cette information donnée par la police ce matin d'une voiture avec 6 bonbonnes de gaz près de la cathédrale Notre-Dame à Paris. La police qui indique également que 2 personnes sont en garde à vue dans cette affaire pour le moment. Mais pour l'instant, on reste détendu avec vous, Nagui, et vos invités. Mais vigilants. Et si vous avez quoi que ce soit à nous dire, intervenez quand vous le souhaitez. Vous le savez, Lionel Thompson et l'information à la priorité. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est le moment original avec Leïla Kadoboudadi, Tom Villa, Pierre-Emmanuel Barbet, Daniel Morin, Richard Ornac. J'ai respecté l'ordre chronologique des naissances. Et nos invités sont Pierre Millet et François Ozon. Tu veux dire que je suis la doyenne ? Non, au contraire, j'ai respecté l'ordre chronologique. J'ai commencé par toi, j'ai fini par Richard Ornac. Ah oui, mais il y a Tom. Ouais, j'ai fait toi, Tom, mais je t'ai rajeuni, sois contente. Ouais, voilà. J'ai fait toi, Tom, après, voilà. C'était dur de la vieillir. Il y en a marre d'expliquer les vannes. On est dans une période maintenant, dès qu'on fait une vanne, il faut s'excuser d'expliquer. C'est ça. Et déjà le CSA sur le cul. Monsieur, dame. Nous avons aujourd'hui la chance de parler de France, ce film que nous avons aimé, que nous vous encourageons à aller voir. Librement, très librement inspiré donc d'une pièce et d'un film, le film de Ernst Lubitsch, Broken Lullaby, et d'une pièce dont on ne dira pas le titre parce qu'elle dévoilerait peut-être des choses. Finalement, l'exercice pour vous en promotion, c'est de ne pas tout dire. De donner envie, mais de ne pas révéler la raison qui fait que ce soldat français interprété par Pierre Niney va se recueillir et pleurer sur la tombe d'un soldat allemand. Il y a plusieurs raisons. Le film laisse libre cours au spectateur d'imaginer, d'interpréter les choses. Ce n'est pas un film qui vous dit exactement ce que vous devez penser. Il y a plusieurs plusieurs choses possibles à imaginer, je pense. Puis au-delà de l'intrigue, au-delà de ce secret, il y a quand même une histoire et des personnages. Donc finalement, il y en a pour tout le monde, en fait, dans ce film. Oui, non, mais et puis pour tous les points de vue, que ce soit allemand, français, que ce soit homme, femme, que ce soit aussi parents, enfants, amis, tout fonctionne. Et justement, le plus dur était de quoi ? De garder l'équilibre dans l'importance de chaque point de vue ? Non, je me suis pas du tout posé cette question. Non, j'ai essayé de construire le film un peu en miroir entre les deux pays, entre le personnage du jeune homme et de la jeune fille. Voilà, c'était ça un peu l'équilibre que j'ai essayé de montrer. Après, c'est vrai qu'il y a deux familles. Il y a une famille française, une famille allemande. Et forcément, il y a tout un effet de comparaison qui se fait pendant le film. Mais la famille allemande, au début, était très, très importante. C'était important de voir les pères, en fait. Les pères qui ont envoyé leur fils à la guerre, puisqu'ils ont fait eux-mêmes la guerre de 1870. Et donc ça, c'était intéressant de mettre dans ce contexte familial. Ouais, qui ont poussé les enfants à s'engager, à partir la fleur au fusil. Et qui sont responsables. Ils se sentent dans une forme de culpabilité, forcément. Et le film va sortir en Allemagne ou pas ? Le film sort en Allemagne le 29 septembre et on a déjà commencé un peu à faire de la promotion là-bas et on y retourne avec Pierre le 28 à Berlin. Il va sortir en Argentine, en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Russie, en Suisse, en Turquie, en Ukraine. Oui, c'est déjà... enfin le monde entier. Voilà, tous les pays. Ouais. Et vous vous êtes posé la question de la quantité de langues allemandes et françaises dans les dialogues. Est-ce que pour vous, ça a été aussi... ou pour les distributeurs, ils se sont-ils posé la question ? C'est vrai qu'on a été obligé de faire en sorte qu'il y ait un peu plus de français que d'allemand pour que le film soit considéré comme un film français. 51-49, c'est absolument. Mais en fait, je crois qu'on est à 52-53 % de français dans le film. C'est chronométré. Au mot à mot. Voilà. D'accord. Et ce qui est bien, c'est que en français, on utilise plus de mots qu'en allemand. Donc voilà, le français a gagné au final. Vous parlez allemand maintenant couramment ou vous avez appris phonétiquement vos dialogues, Pierre Ninet ? Oui, non, pas du tout couramment. J'ai appris, j'avais un mois et demi parce que le tournage s'est mis en marche assez rapidement. Donc je me suis concentré évidemment sur mes textes, mes dialogues. Là-dessus, Paula Baer, l'actrice incroyable dont on parle depuis tout à l'heure, qui est vraiment dingue dans le film. J'invite les gens à la découvrir vraiment. Et qui est bonne camarade. Qui est super camarade, qui m'a enregistré tous mes textes. En fait, j'avais un professeur qui était super, mais bon, c'était une voix de mec un peu plus âgé, ça m'inspirait moins. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, je vais demander à Paula de m'enregistrer un texte. Et c'était tellement inspirant, tellement beau, tellement doux sa voix. Et puis comme c'est une super actrice, même si elle te lit relativement neutre, il y avait déjà dans sa façon de me lire l'allemand un truc qui m'inspirait. Quoi. Vraiment, la musique, les accents, les accents toniques. Ouais. Et voilà. Et sa part de féminité, finalement, qui peut aider à jouer le rôle. Ouais. Et puis c'était une façon de la rencontrer, un peu détournée, parce que moi j'entendais sa voix tous les jours pendant des heures, pendant un mois et demi, parce qu'elle m'a enregistré tous mes textes au final. Et donc c'était une rencontre par la voix, c'était assez intéressant. Mais vous avez raison de le rappeler, ça sera une découverte pour le public français, cette comédienne Paula Baer qui est vraiment impressionnante et filmée avec amour par François Ozon, comme Pierre Ninet d'ailleurs. Ça vous formez un très joli couple tous les deux. Voici l'humeur de Daniel Mora. Aujourd'hui, il y a plusieurs événements de taille, chers amis. Il y a bien sûr... Tu parles de moi ? Aussi, mais il y a aussi l'anniversaire de Patrick Cohen. C'est 23 ans aujourd'hui. Non. 23 ans. Bisous, Patrick. Bisous, Patrick. Patrick, sans qui France Inter ne serait rien. C'est un jour de liesse dans toute la maison de la radio. C'est champagne à volonté, GHB dans le café, c'est de la folie. Toutes les employées de France Inter s'offrent à lui. La direction jette des billets de 500 € sur son passage. Pour l'honorer, bien sûr, mais aussi pour le garder et qu'il n'aille pas. Le bruit court, hein, signé pour aller travailler sur Rire et Chanson. Mais bon, il n'y a pas que ça aujourd'hui. Non, il y a aussi la sortie du nouveau film de François Ozon, le 16e Franz. L'histoire, simple et douloureuse à la fois, comme la vie. Au lendemain de la guerre 14-18, Anna se rend sur la tombe de Franz, son fiancé mort sur le front en France. Un jour, elle tombe sur Adrien, incarné par Pierre Ninet, et là, c'est le choc. Elle court voir sa mère. Maman, maman ! Vas, ma fille, vas ! Je viens de voir Pierre Ninet ! Et alors ? C'est horrible, il porte une moustache ! Ah, scheiße ! Grosse, grosse, grosse catastrophe. Anna va-t-elle accepter la moustache de Pierre Ninet ? Pierre Ninet sera-t-il rasé et tondu comme une vulgaire collabo en 45 ? Vous le saurez en allant voir Franz, le dernier film de François Ozon avec un Pierre Ninet à moustache. Bon, c'est un des événements de la journée, mais il n'y a pas que ça. Arrête, aujourd'hui, ça l'a fasciné, cette moustache. Ça m'a hypnotisé. Ouais. Aujourd'hui, c'est aussi le coup d'envoi des JO Paralympiques à Rio. Nous sommes à quelques instants de l'ouverture des Jeux. Est-ce que tout est prêt? Pas sûr. Bon, bah, je crois que tout est prêt. On peut y aller, on peut lancer les JO. Stop, on arrête tout. Qu'est-ce qui se passe? On peut pas commencer, les gars. La nouvelle vient de tomber. Pierre Ninet a une moustache. Et alors? Et alors, faut l'attendre. Il faut absolument qu'il participe aux Paralympiques. Pourquoi? Mais enfin, aujourd'hui, la moustache est un handicap. Ce sera un super porte-drapeau. Handicap, la moustache? Oui, regarde, Richard Lornac l'a rasé aussi. Aïe. Est-ce que Pierre Ninet aura le temps d'aller jusqu'à Rio pour l'ouverture des Jeux Paralympiques en sortant de France Inter à 12h30? Vous le saurez en regardant la cérémonie d'ouverture. Aujourd'hui, au cinéma, c'est aussi la sortie du film Infiltrator. L'histoire, simple et douloureuse à la fois, comme la vie. L'agent fédéral Bob Mazur a pour mission d'infiltrer le cartel de la drogue de Pablo Escobar. But de la mission, faire tomber le baron de la drogue et une banque pourrie. Ça m'a l'air bien angoissant. Salut Pablo. Bonjour Bob. Tu savais qu'en ce moment, tout comme toi, Pierre Ninet porte la moustache? Non Bob, je savais pas. Ça veut dire qu'il se drogue. Il y a de fortes chances, oui. Tu sais, Pablo, le showbiz, tout ça, les acteurs, les chanteuses, les animateurs télé, c'est des vrais pompes à schnouf. Comme Nagui. Oula, lui, c'est le pire de tous. Mais il a pas de moustache, Nagui. Si. Mais ça se voit pas. Non, ça se voit pas et pour cause, sa moustache, lui, il la laisse pousser à l'intérieur de la bouche. Mais il est rusé, ce Nagui. C'est rien de le dire, ce Nagui, c'est une vraie fouine. Salut. Ah, ça, c'est sûr qu'il est rusé, le bouc d'Alexandrie. Est-ce que Bob va réussir à choper Pablo Escobar? Est-ce que Pablo Escobar va s'en sortir? Est-ce que Pierre Ninet va débarquer dans le film pour un duel de moustache avec Escobar? Est-ce que Pablo Escobar, pour se venger, va faire une apparition déguisée en jeune allemande dans France, le film de François Ozon? Vous ne le saurez jamais. À demain. La bande originale, Nagui, sur France Inter. En fait, il y a beaucoup de rôles, Pierre Ninet, pour lesquels vous êtes obligé, justement, on va arrêter de tourner autour de la moustache, mais de couper les cheveux, de l'éteindre, d'avoir la barbe, de faire des transformations physiques. Est-ce qu'on vous a déjà demandé de vous muscler, de maigrir? Enfin, vous êtes déjà maigre et musclé, mais... Oui, les deux en même temps. Oui, c'est, mais en même temps, c'est assez chouette quand on attaque un rôle. Bon, après, ça dépend du projet. Il y en a où il y a moins besoin de se transformer et ça tient juste à trouver un style. Un style vestimentaire, une coupe de cheveux, ou alors des films d'époque où tout de suite effectivement ça nous projette plus dans quelque chose où on a envie de coller avec cette époque. Donc, par exemple dans France, est-ce qu'il y a eu au-delà du travail de maquillage et de costume, un travail aussi dans votre démarche, dans votre manière de vous déplacer, de ouais bien sûr, moi je trouve que c'est toujours intéressant de faire un travail physique sur le personnage, même si c'est pas un truc qui est forcément notable dans la première seconde, mais que ce soit même inconscient chez le spectateur et conscient chez l'acteur. C'est réussi quand c'est inconscient. Oui. Ça dépend des prestations qu'on fait. Pour Yves Saint Laurent, il y avait une gestuelle à trouver qui était évidemment plus forte parce qu'il avait une manière de marcher, de se mouvoir, d'utiliser ses mains notamment très particulière. Après sur France, ce personnage d'Adrien, on jouait beaucoup sur le mystère, sur certaines ambiguïtés du scénario, des fausses pistes. Et puis comme dit François, il y a des mensonges dans le film dont on découvre qu'en fait il y a une part de vérité dans le mensonge potentiellement. Ça, je trouvais ça intéressant. Bref, tout et ça... chacun peut y trouver sa vérité. On le redit encore une fois, chacun peut avoir sa version. Moi, je le vois vraiment comme un tableau, ce film. D'ailleurs, la peinture est omniprésente. Le film est très beau plastiquement, d'ailleurs. Une toile de Manet, oui, c'est il y a une toile de Manet qu'on découvre, qui est très peu connue et qui est très belle, d'ailleurs, qu'on peut découvrir dans le film. Et le film se vit comme un tableau, moi, je trouve. Il y a quelque chose de très sensoriel et très sensationnel et du coup, aussi libre d'interprétation qu'un tableau. Ouais, chacun complètement. Y trouve ce qu'il veut y voir et ce qu'il ressent. Voici le brouillon de culture de Leïla Kadokoudé. François Ozon, Pierre Ninet, je vous sors de la promo, un petit bol d'air, c'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on va commencer par les premiers émois de François Ozon. Mami, du ahnst gar nicht, wie glücklich es einen macht, wenn man weiß, dass man geliebt wird. Est-ce que vous avez reconnu cette voix? Je pense que c'est Romy Schneider dans Sissi. C'est ça, Sissi, impératrice. Oui. J'adorais la version française. Ah, c'est vrai, vous. J'adore la voix d'une. Je ne sais plus comment elle s'appelle, elle est connue, mais elle avait une voix en français. Enfin, celle qui l'a doublée avait une voix incroyable. Elle était doublée, ben oui, parce qu'elle avait l'accent allemand. Et en fait, on a entendu la voix de Romy Schneider qu'assez tard en France, je crois, avec La Piscine et avec les films de Claude Sautet. Alors le choix de Paul Haber, on l'a expliqué, n'est pas étranger à ce personnage de Sissi. Qu'est-ce qui vous fascinait autant dans Sissi, enfant ? Je pense que c'est comme tous les enfants, c'est un personnage qui faisait rêver, voilà. C'est un peu un guilty pleasure aujourd'hui, je crois, ce film. Un plaisir coupable ? Oui, parce qu'il ne faut pas le revoir, je pense. Je crois que c'est le summum du kitsch. Ça plaît beaucoup aux enfants, en tout cas. Ça plaît toujours aux enfants. Ah, ouais. Ah bah voilà. Moi, mes filles regardent Sissi, elles adorent. Et voilà. Vous ne l'avez pas revu récemment ? Ils n'avaient pas de fils. Si. Et ils aiment pas. Lui regarde Superman. D'accord, voilà. Donc j'étais pas un petit garçon comme les autres, peut-être. Et c'est tant mieux, j'ai envie de vous dire. À présent, pour vous, Pierre Ninet, un son. Vous l'avez reconnu, Pierre Ninet ? Oui, c'est James Blake. Rétrograde de James Blake, que vous écoutiez pour préparer Yves Saint-Laurent. Vous avez parlé tout à l'heure de votre rapport à la musique en préparation d'un film. Et vous dites que cette musique vous a beaucoup aidé pour Saint-Laurent. Comment vous pouvez l'expliquer ? C'est un peu mystique. Je ne saurais pas trop dire le lien que je fais dans mon cerveau entre les rôles et les musiques. Parfois, il est plus évident, comme le fait que j'écoutais du Chopin en préparant le film de François Ozon, où je joue un violoniste qui joue du Chopin notamment. Ouais, mais là, c'était pas un choix. Vous étiez obligé de le. Oui, mais du coup, j'ai écouté du Chopin. Je me suis replongé un petit peu dans tout ce qui me plaisait de Chopin et puis du classique un peu plus. Mais c'est vrai que par exemple pour James Blake qu'on entend là. Pour Yves Saint-Laurent, je sais pas, il y a une connexion sur la fragilité, la transformation de cette fragilité en quelque chose de très esthétique. Je sais pas, mais là encore, c'est de la théorie, quoi. C'est des connexions un peu mystérieuses. Ouais. Ouais. Et vous, François Ozon, si Pierre Ninet avait une playlist pour France, vous en aviez une ? Non. A priori, je voulais faire le film sans musique. Ouais. Je voulais juste qu'il y ait la musique que joue Pierre dans le film. Donc, j'avais pas de musique en tête. Alors pour finir, un petit conseil culture pour tous les deux. Le premier, pour vous, François Ozon, j'ai lu qu'enfant, vous aviez vu en cachette l'Allemagne année zéro de Roberto Rossellini. Ouais. C'est un film très dur, qui est le dernier de la trilogie consacrée par le réalisateur italien à la guerre. Ouais. Et j'y vois, moi, un parallèle avec France, ouais. puisque Rossellini a adopté le point de vue de l'agresseur dans son film. C'était une première à travers les yeux d'un enfant. Et qui est une victime, un enfant allemand qui est victime dans les décombres de Berlin juste après la guerre. Et en fait, j'ai trouvé dans une très belle collection, Le bord de l'eau, Roberto Rossellini, de la fiction à l'histoire. Il y a deux tomes, de l'histoire à la télévision, puisque Rossellini a amorcé un tournant dans les années 60, arrêtant le cinéma pour se consacrer à du film documentaire télévisé. Et il y a toute son œuvre après 60, qui est décryptée par des universitaires. C'est signé le premier tome Patrick Verly, et ensuite Aurore Renaud, Le bord de l'eau. Voilà, c'est pour vous. Ah bah merci beaucoup. Voilà. Il faut avoir le bras long ici pour avoir les cadeaux. La table est immense. 5 euros par contre. Et j'en ai un. Et j'ai aussi un conseil culture et un cadeau pour vous, Pierre Ninet. J'ai lu qu'en 2007, vous aviez écrit une pièce que vous avez aussi interprétée sur l'immigration clandestine. Vous parliez de ces images de clandestins que vous aviez en tête, accrochées au grillage d'une enclave espagnole au Maroc. Et il y a un très beau roman qui s'appelle L'opticien de Lampedusa d'Emma Jane Kirby aux éditions Équateur. Cette auteure est une journaliste. Elle a fait un reportage sur un vrai opticien sur l'île de Lampedusa qui un jour décide de voir ce qu'il y a autour de lui, et c'est le paradoxe pour son métier, et qu'il se rend compte simplement qu'il est entouré de gens qui essayent de survivre. C'est très très touchant, c'est très poignant, et c'est mon cadeau pour vous. Merci beaucoup. Merci Léla. Voilà. France, le film sort aujourd'hui avec Pierre Ninet, Paul Haber, Ernst Stötzner, Marie Gruber, Johann von Below, Anton von Luck, Cyrielle Claire et Alice Delengsin, et tout ça réalisé par François Ozon. Et c'est fortement recommandé par l'équipe parce qu'on a eu la chance de le voir avant qu'il sorte aujourd'hui, mais vous êtes déjà nombreux au rendez-vous dans les salles, donc précipitez-vous. Et oui. C'est un bon film qui est riche d'enseignements, encore une fois. Humainement, vous en sortirez grandi, et puis comme vous l'ont dit tout à l'heure, voilà, vous invitez, chacun aura sa version, ce qui est un luxe. Voici Earth, Wind and Fire. Mm-hmm. Earth, Wind & Fire, September, et nous avons la chance d'avoir Pierre Ninet et François Ozon pour parler de France. Tout petit mot sur ce qui va se passer le 12 octobre. Vous jouez dans l'Odyssée, qui raconte l'histoire du commandant Cousteau avec Lambert Wilson et Audrey Tautou. Entre autres. Vous tourniez en parallèle les deux films ? Comment ça s'est passé ? Il y a eu une journée, je suis passé de la mer en Croatie au tranchées en Allemagne, qui était une journée un peu compliquée, mais sinon, à part ça, non, les films étaient bien séparés. Donc, c'est-à-dire, faut vraiment être schizo pour être comédien, on est d'accord ? Ah ouais, faut aimer la schizophrénie. Ouais. Et quant à vous, François Ozon, vous avez déjà une plume dans un prochain film ? Une plume dans quoi ? Dans un prochain film. Dans un prochain film. Oui, mais enfin, il me tend la... la plume. Il espérait que personne ne relève. Ouais. Et c'était mal embarqué. Êtes-vous sur un autre projet ? Absolument, je préfère ce genre de questions. Oui, je suis en train d'écrire et je réfléchis. Ah oui, on ne sait même pas dans quel univers ou moment d'histoire. En fait, je me suis rendu compte que France était un film très chaste, donc je pense que le prochain sera un peu plus sexué. Chaud. Et compte tenu de votre rythme, ça veut dire que vous allez être en tournage dans pas longtemps ? J'espère. Et là, la plume, il l'aura. Voici la cascade de questions, des questions courtes avec des réponses courtes. C'est parti, et c'est Leïla. François Ozon, j'ai cru comprendre que vous aimez bien jardiner, et en particulier les fleurs. Qu'est-ce que vous plantez dans votre jardin en province ? Oh là là là là. Il faut répondre vite. Des roses. Des roses, très bien. Tom Villa. Pierre Ninet, vous l'avez mis où, votre César ? Il est sur une cheminée. Daniel Morin. Votre prochain film qui sera méga hot, François, ça se passera à Rimini ? Hélas, non. Ça se passera à Paris. À Paris. Pierre-Emmanuel Barré. Pierre Ninet, vous avez appris à dessiner, à jouer du violon, à parler allemand, à danser. Est-ce que vous ne seriez pas à la recherche d'un vrai métier ? On dirait une phrase de parent. De quelqu'un qui essaie de... Ouais, c'est peut-être, oui. Et sinon, vous faites quoi dans la vie ? C'est ça. C'est ça. Leïla. Quelle femme vous avez envie de sublimer un jour à l'écran que vous n'avez pas encore fait tourner ? À part Michel Blanc, bien sûr. À part Michel Blanc. Est-ce que c'est plutôt une inconnue que vous allez dénicher comme Paula Bear ou une plus connue ? Le retour de Nicole Kidman. Une inconnue, je vais dire, parce que sinon je vais en vexer d'autres. Ah. Tom Villa. François Ozon, vous tournez en moyenne un film par an ou les battre le record de Woody Allen ? Et de Fassbinder. Fassbinder, une année, a tourné 6 films et fait 3 pièces de théâtre. Mais il est mort à 37 ans. Ah. Je suis toujours vivant. Daniel Morin. Pierre Ninet, votre alcool ou votre drogue préférée ? L'alcool, moi, c'est le gin. Je bois du gin tonic. Avec modération. Oui. Avec un verre, surtout. Des excuses à présenter, Daniel Morin. Oui, désolé pour tous nos auditeurs allemands, ces vilains bouffeurs de choucroute, comme les appellent Nagui. Ah ouais. Et qui nous ont replongés. On les a replongés dans une période sombre de l'histoire. Et les gars, ça va, si vous voulez trouver des amis, il faut écouter RMC ou Radio Courtoisie. Désolé pour tous les bouchers qui se sont sentis insultés par ma comparaison avec la moustache de Pierre Ninet dans le film. C'est bon, les gars, ça va, c'est Pierre Ninet, ça aurait pu être pire. Et désolé enfin pour tous les auditeurs qui voulaient l'adresse de l'hôtel chaud bouillant dans lequel François Ozon a vécu un été brûlant d'érotisme à Rimini. Trop tard, les gars, Nagui a réservé tout l'hôtel pour juillet et août 2017. Pour t'inviter, Daniel, pour c'est t'inviter. Gentil. Je vous ai pas demandé si ça avait été difficile de diriger des comédiens allemands. Si vous avez appris l'allemand, François Ozon, oui, je parle allemand. Ah, vous parlez quoi, vraiment, allemand, d'accord. D'où les échanges de votre enfance. Absolument. Dont vous avez parlé en début d'émission. Merci Pierre Ninet, merci François Ozon, et merci. Encore bravo pour France. Rendez-vous demain. Nous accueillerons des amis demain. Oui, non, Yasmina Reza demain. Yasmina Reza, oui, Yasmina Reza pour Babylone. Et Caroline Carlson, ça sera vendredi. Caroline Carlson, absolument. Voici Philippe Bertrand et ses carnets de campagne. Bonjour Philippe. Ja, ich bin da. Wie geht's, meine Freunde? Sehr gut. Bravo Leïla. C'est chantant l'italien. Non, moi, ouais. C'est bon. Moi je sais juste dire Die Vögel singen im Wald. Oh, ah, c'est joli. Hein. Les oiseaux. Oui, je voulais que je traduise. Ouais, oui. Vas-y. Les oiseaux chantent dans la forêt. Ah non, reste. On vient de passer une heure et demie à parler de la langue, de la beauté de cette langue, et tu nous pètes tout à la fin. C'est très beau quand tu le dis en allemand. Ouais. C'est très beau quand je tu le dis tout. Je me suis un peu planté en vous écoutant, parce que j'avais misé sur le prochain titre du film de François Ozon, Réminiscence érotique à Rimini. Mais... Ah, bonne idée. Déposez-le. C'est un peu long comme titre, mais c'est bien. C'est pas grave. Bonne émission, Philippe. Salut les amis. Salut Philippe. Ciao. Les éditions Radio France présentent France Culture Papier, une sélection des meilleures émissions de France Culture. Au sommaire du numéro 19, dossier spécial, la création et les idées. Chronologie du conflit syrien par Jean-Christophe Ruffin. Grand entretien avec Jacques Attali. France Culture Papier, une revue disponible en kiosque et en librairie. France Culture, une radio de Radio France. France Inter, c'est l'heure. Carnet Campagne, bonjour. Troisième étape dans le Lot, un département très rural et encore marqué par des activités agricoles qui, malgré leur déclin, continuent à fournir des emplois. Seulement, devant les innombrables difficultés rencontrées par